nous, qui donnerait le monde sans le sou. Ici-bas, tu es fou. Et toi, tu tends la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça, tu es fou. Le trio vianney, Kedji Girac et Soprano, carrément, avec Je suis fou sur France Bleu. Il est 17h30 à 18h et jusqu'à 19h, émission spéciale ce soir, spéciale rugby, avec vos questions au président du FCG, le club de rugby de Grenoble, Patrick Goffi. Nous serons à 3h du coup d'envoi de ce Grenoble-Brive, match capital de Pro D2 de rugby. Vos questions dès 18h jusqu'à 19h, on vous ouvre l'antenne. Si vous désirez prendre un petit peu d'avance et nous appeler dès à présent, c'est possible pour vous inscrire. La liste sera longue, je pense, mais n'hésitez pas à appeler dès à présent le 04 76 46 45 45 si vous avez une question à poser à Patrick Goffi, président du FCG, le club de rugby de Grenoble. Il nous rejoint tout à l'heure après l'info de 18h. Le lycée Stendhal à Grenoble, le grand séchoir à Binet, le donjon de Morestel. Ici, c'est France Bleu Isère. Mesmer, le maître mondial de l'hypnose, revient au Summum de Grenoble le mercredi 6 mars. Vous vous sentez merveilleusement bien. Dans 13 Hertz, son nouveau spectacle, le recordman en hypnose collective vous invite dans son univers mystérieux et hilarant, dans lequel la frontière entre la réalité et l'illusion s'efface. Ce monde de rêve et d'imaginaire. Laissez-vous entraîner vers des territoires inconnus et plongez dans vos pensées les plus profondes. Mesmer sur la scène du Summum de Grenoble, c'est le mercredi 6 mars. Gagnez vos places bientôt sur France Bleu Isère. Alors, il m'aime un peu, beaucoup, passionnément. Il m'aime à la folie. Et avec Costa, je paie moitié prix. Pour la Saint-Valentin, réservez votre croisière avant le 25 février. Votre moitié paie moitié prix. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout pour un agriculteur d'être bien assuré. Toujours un œil sur la météo, Simon. Eh oui, Cerise. Une sécheresse et plus d'herbe à pâturer pour mes bêtes. Et acheter du fourrage complémentaire impacterait votre trésorerie. Ouais, complètement. Eh bien, avec Groupama, vous assurez vos prairies à un tarif accessible. Et vous êtes rapidement indemnisé en cas de déficit de pousse d'herbe si la météo n'est pas au rendez-vous. Je contacte tout de suite mon conseiller, Cerise. Groupama, premier assureur des agriculteurs. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama-agri.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Isère, ici, on parle d'ici. Le 16-18 France Bleu Isère. Christophe Chardon. Le collecteur du jour d'ici 12 minutes, ce sera avec les Kings. Et on se souviendra du fameux Sunny Afternoon. Vraiment une régalade, comme on dit dans le jargon. J'ai aussi, dans quelques secondes, des invitations à vous offrir pour le match de foot France-Allemagne, demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations Féminines. Ce sera le 23 février du côté de Lyon. Mais avant cela, on prend des nouvelles du ciel. Nous allons terminer avec un ciel nuageux, hein, cette soirée sur Grenoble et agglomération. Demain, rebelote, nuages dans la matinée. Et quelques pluies attendues sur le Nord-Isère et la vallée du Rhône. Température dans la matinée à Grenoble, 7 degrés. Un peu plus chaud en vallée du Rhône, 10 degrés à Vienne. Et 12 degrés sur Bourgoin-Jallieu dans l'après-midi. Quelques gouttes de pluie donc sur l'ouest et le Nord-Isère. 10 à 14 degrés de température. Ce sera un peu plus sec, mais bien nuageux sur Grenoble et le Sud-Isère avec 13 degrés attendus à Grenoble, 12 degrés à Tesse-en-Beldonne, 11 degrés sur le plateau Matézin et 10 degrés sur le plateau du Vercors. 10 degrés par exemple à Lens-en-Vercors attendu demain. La route, comment circulez-vous ce soir sur Grenoble et agglomération? Vous avez du monde sur la rocade sud dans le sens Chambéry-Grenoble. Vous mettez 15 minutes de plus que votre trajet habituel dans ce sens-là de circulation. Les quais également sont un peu chargés. Votre départ également et votre arrivée par l'A48 et la Bastille sur l'autoroute, 5 à 10 minutes de plus que votre trajet habituel. Vous êtes peu nombreux à circuler pour rentrer dans Lyon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, ça circule bien. Juste à hauteur de Bron, un petit ralentissement avant d'arriver dans la capitale des Gaunes. Et puis sur Vienne, c'est l'hypercentre pour le rejoindre qui est un peu chargé, que ce soit par le nord, le sud ou l'est viennois. La météo 100% locale avec Lens en Vercors, les domaines skiables les plus proches de Grenoble. Retrouvez-nous sur skipass.lensenvercors.com. Lens en Vercors, osez le ski naturellement. Attention, deux très belles places que je vous offre à présent. Deux invitations pour assister au match de foot France-Allemagne en demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations Féminines. Ce match aura lieu le vendredi 23 février au Groupama Stadium de Lyon à 21h. Si les Bleus remportent ce match, elles se qualifieront pour la finale, bien sûr, de la Ligue des Nations prévue le 28 février en Espagne ou aux Pays-Bas. Elles pourraient aussi tenter d'aller décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine. France Bleu suit les équipes féminines et vous propose donc ce match sur un plateau le 23 février. Pour assister à ce match de foot entre la France et l'Allemagne, vous allez devoir reconnaître ces deux ou trois interprètes. Je suis sympa. Deux ou trois interprètes qui suivent. Attention, ça va vite. Soyez concentrés comme une footballeuse et appelez le 04 76 46 45 45. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. France Bleu Isère. Oui, ma vie c'est un manège. Toutes choses par ce mot et reviennent. Oui, ma vie c'est un manège. Comme une chanson, c'est le temps qui l'entraîne. Alors, il y en a trois à découvrir au 04 76 46 45 45. Si c'est le cas, voire même deux, vous gagnez vos deux invitations pour le match de foot France-Allemagne féminin. C'est vendredi 23 février au Groupama Stadium de Lyon à 21h. Vous avez toutes les infos. Il ne vous reste plus qu'à jouer. 04 76 46 45 45. Bonne chance. Voici Louane et le jour 1. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis. 9 jours. Jour 10, variation du délice. Que voudrais-tu faire? Une balade en mer. Chaque jour, dépendance à l'amour. Pas de danse autour. Celui qui s'est... qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. Le jour 1 de Louane sur France Bleu. Et le jour J pour Jean-François qui habite à Vinay. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour à vous. Faites quoi dans la vie Jean-François? Je travaille à la préfecture. D'accord. Et vous êtes à la maison, retour, fin de journée, voilà, tranquille. C'est ça, bon, c'est ça. Ça a été au travail ce oui, jeudi. Oui, ça a été. Bon. Deux invitations, si vous avez les bonnes réponses, pour assister au match de football entre la France et l'Allemagne. C'est la Ligue des Nations féminines, demi-finale, vendredi 23 février au Groupama Stadium de Lyon. C'est un beau cadeau qu'on offre, hein, à 21h. Oui. Et il va falloir reconnaître les interprètes que je vous ai diffusés il y a un instant, qu'on va réécouter, bien sûr. Alors, on a tout au standard de France Bleu. Il y en a qui ont reconnu Jean-Pierre Madère, il y en a qui ont reconnu Brigitte Bardot. Eh bien non, mesdames, messieurs. Écoutez. Alors, qui chante Jean-François? France Gall. C'est France Gall avec les sucettes à la joue d'amis. Tu me fais tourner la tête. Voilà, alors entre Jean-Pierre Madère et Étienne Dao, il y a quand même une petite différence, non? Oui. C'est Étienne Dao. Étienne Dao, effectivement. Et puis, vous l'avez la dernière ou pas? Oui, c'est lui qu'on est. Oui, ma vie, c'est un manège. Toutes choses passent et reviennent. Félicitations, Jean-François. Nicoletta, oui. Nous avions Dao aussi, et France Gall, bon, c'est un carton plein, 100%, bravo, 10 sur 10. Je vous offre ces deux places pour aller voir le match de l'équipe de France face à l'Allemagne, demi-finale de la Ligue des Nations, le 23 février, au Groupama de Lyon, 21h. Profitez-en bien, Jean-François. Je vous remercie. Merci à vous. Et puis tiens, on passe du football au rugby. Je vous rappelle cette émission spéciale que l'on prépare depuis des jours maintenant avec Antonin Carmen, entre 18h et 19h, là, dans un gros quart d'heure maintenant, nous allons recevoir le président du FCG, l'équipe de rugby de Grenoble, Patrick Goffi, à moins de plus de 3h maintenant du coup d'envoi de Grenoble-Brive. Il viendra tout nous dire et il répondra à vos questions surtout. Je vous propose d'ailleurs de vous inscrire dès à présent pour une question à poser à Patrick Goffi au 04 76 46 45 45. Dans un instant, c'est le collector du jour et le collector a signé Nicolas Les Paul avec un groupe qui nous vient d'Angleterre, les Kings. Ne bougez pas, voici Billy Paul et Your Song. We'll be right back. wonderful life is when you're in the world. Des collecteurs de Nicolas Les Paul, hein, on l'aura sûrement un jour. Justement, le collecteur de Nicolas arrive dans un instant avec les Kings. C'est après la courte pause. Je vais t'aimer avec France Bleu. Face à l'immense succès depuis son lancement en 2021, la comédie musicale Phénomène repart pour une troisième tournée dans toute la France. Embarquez à bord du mythique paquebot France. Et vivez de Paris à New York l'histoire d'une bande d'amis au rythme des plus grands succès de Michel Sardou. Je vais t'aimer en tournée dans toute la France avec France Bleu. À tous les passionnés de ski alpin, le Ladies and Gentlemen Tour vous donne rendez-vous le 20 février à Champs-Rousses, dans la cuvette de la piste des Gaboureaux et sur le front de neige de Recoing. L'occasion d'encourager les meilleures skieuses françaises lors d'une épreuve d'exhibition de slalom parallèle ludique, suivie d'un moment musical animé par Benji DJ et d'un feu d'artifice qui viendra clôturer cette journée. Le 16-18 France Bleu Isère. Le collector, c'est les dessous d'une chanson, comment elle a été écrite, comment elle a été pensée. Tous les jours, Nicolas Les Paul nous fait plaisir. Et ce collector nous vient d'Angleterre aujourd'hui. Les Kings, Nicolas, et leur fameux Sunny Afternoon. Exactement. Et ne vous fiez pas aux apparences de ce collector de 1966 à l'allure placide, mais au texte bien plus acide. Allez, on s'écoute un extrait. Au milieu des années 60, The Kings mène tambour battant une carrière qui les conduit aux quatre coins de la planète. Ce rythme épuise Ray Davies, le leader chanteur du groupe, qui, du haut de ses 21 ans, a du mal à gérer son statut de star. Il faut reconnaître que rien n'épargne le groupe. Tensions internes, problèmes de management, de financement, ils sont même blacklistés par un syndicat américain de travailleurs du spectacle qui les empêche de se produire aux États-Unis. Bleu collector. I got a big fat mama trying to break me. On retrouve Ray Davies chez lui, au bord de la dépression, contraint au repos forcé. L'intérieur est cosy, décoré aux couleurs des 60s psychédéliques, et au milieu du salon trône un piano blanc sur lequel Ray Davies laisse courir ses doigts au gré de son imagination. Ce jour-là, il pense à sa situation financière. Le récent succès des Kings a propulsé les musiciens dans les tranches d'imposition les plus élevées. Et gouvernement travailliste oblige, la grande majorité de leurs revenus est partie en impôts. Ray Davies s'écrit alors « Sunny Afternoon », l'histoire d'un aristocrate déchu dont le manoir a été vidé par le fisc, entraînant le départ de sa petite amie qui, au passage, lui vole sa voiture, le laissant dans le dénuement le plus total. Cette satire sociale, à contre-courant du psychédélisme à la mode, va connaître un énorme succès. En très peu de temps, Sonny Afternoon, qui détrône les Beatles à la première place des hits anglais, devient un classique des Kings, puis un collector qui met tout le monde d'accord. Nicolas Les Paul. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car, I'm gone. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why. Le collecteur du jour avec les Kings sur France Bleu Isère. On redécouvre tous les jours, grâce à vous Nicolas Les Paul, les petits bijoux de la musique de ces 50 dernières années. Merci à vous en tout cas. Allez, maintenant on prend l'altitude et on part à Auze-en-Oisans. Et à Auze-en-Oisans, nous avons Gaël qui nous y attend. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Bonsoir à vous. On fait un petit point avec vous sur l'état de la neige. Ouverture des pistes, s'il vous plaît, à Auze-en-Oisans aujourd'hui et pour demain, par exemple. Alors aujourd'hui, on avait 85% du domaine skiable ouvert. Voilà, avec un très bel enneigement sur le haut du domaine et toujours le retour ski au pied assuré jusqu'à la station. Ça, c'est bien. Côté animation, vous avez un beau festival qui arrive, je crois, dès dimanche. Tout à fait, on a le Mountain Rock Festival qui va poser ses guitares à Auze 3300 dès dimanche. Donc avec deux scènes, une grande et une plus petite scène, avec plusieurs groupes, avec DJ Christopho pour mettre l'ambiance entre le passage des groupes. Tout ça gratuitement et accessible avec l'Odol Express de 17h à 21h gratuitement. Oui, ce sera sur le front de neige de Auze-en-Oisans, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Merci. Une bonne... scène sur le front de neige et l'autre de l'autre côté, juste oui. De l'autre côté de l'Ogive. Merci à vous, ces vacances se passent bien, cela va durer pendant 4 semaines, Auze-en-Oisans, l'une des très belles stations du département. Merci Gaëlle, on part à Lens-en-Vercors. Retrouvez Marine, bonsoir Marine. Bonsoir. Bonsoir à vous Marine. Pareil, on fait un petit point avec vous sur l'état des pistes, l'enneigement, s'il est possible de skier à Lens-en-Vercors. Dites-nous tout Marine. Oui, oui, oui, tout à fait. Il est possible de skier à Lens-en-Vercors au niveau du domaine d'altitude. Nous avons à l'heure actuelle 8 pistes, donc ça sont 6 pistes vertes, 2 pistes bleues. Donc ça, notre espace débutant, première trace, avec voilà, encore des cours prodigués par l'école de ski encore tous les jours. Ouais. Voilà, ça, ski, on en profite, malgré tout on a un grand soleil, donc c'est pas les faux. Conditions, voilà, écoutez. Je suis sûr que les touristes ont le sourire quand ils sont à Lens. Exactement. Bah, c'est une bonne chose. En tout cas. Votre mission est remplie Marine. Écoutez, bravo à vous et à toute l'équipe, hein, bien sûr, et à toute la station. Est-ce que les animations sont au rendez-vous également, Marine ? Oui, oui, oui, tout à fait. Alors là, actuellement, nous allons avoir une soirée enflammée qui va démarrer donc là dans 10 minutes sur la place du village avec un spectacle de feu proposé par l'Office de tourisme. Oui. Demain, nous allons proposer un petit apéro time, rendez-vous à 11h30 sur le front de neige, justement. Voilà,

et se célèbre à plusieurs. Le relais Isère Terre de Jeux, c'est jusqu'en juillet 2024. Et ça se passe près de chez toi. Tout le programme sur sport.isère.fr. À toi de jouer. Un programme sportif porté par le département de l'Isère. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Isère. Et nous sommes jeudi aujourd'hui, 15 février. Merci d'écouter France Bleu Isère. Un point sur l'actualité à 18h bien sûr. Et puis l'émission spéciale rugby avec le président du FCG, Patrick Goffi. Ensuite, et vos questions. Et pour l'info, c'est Julien Balidas. Bonsoir Julien. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Vous le disiez, grande soirée de rugby hein, sur France Bleu Isère. Juste après ce journal, on passe une heure donc avec le président du FCG, Patrick Goffi. Vous pourrez lui poser toutes vos questions jusqu'à 19h. Et puis à 21h, dans la foulée, on suit en intégralité la rencontre Grenoble-Brive en ouverture de la 20e journée de Pro D2. Une info foot aussi qui vient de tomber et qui ne va pas forcément plaire aux supporters du PSG. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, a annoncé aux dirigeants parisiens qu'il allait quitter le club de la capitale à la fin de la saison. Sur le terrain, il y a des matchs aussi, les 16e de finale aller de la Ligue Europa. Trois clubs français sur le pont. Marseille qui affronte les Ukrainiens de Donetsk. Rennes affronte l'AC Milan en Italie. Et puis Toulouse se déplace sur la pelouse du Benfica Lisbonne. L'école de Mélan, gérée par des prêtres traditionnalistes, pourra finalement accueillir des élèves. Le maire avait pris un arrêté municipal pour fermer cette école Saint-Pierre-Julien-Aymar, école privée hors contrat de la fraternité intégriste Saint-Pidis pour des raisons de sécurité. Mais voilà, hier, le maire a dû faire machine arrière et prendre un arrêté qui annule donc le précédent, car entre-temps, l'école a fourni les documents prouvant que les travaux concernant notamment le gaz et une porte coupe-feu avaient été réalisés. Pour le maire de Mélan, Philippe Cardin, il n'y a pas eu de rétropédalage. Il n'y a pas eu d'erreur. Nous avons appliqué le scénario habituel, c'est-à-dire que nous avons une visite, nous attendons les factures qui prouvent la réparation, les travaux nécessaires à lever les anomalies, nous faisons une mise en demeure et un mois après, si nous n'avons pas les documents, ben nous prenons un arrêté de fermeture. Et puis le lendemain, par l'intermédiaire d'un avocat, nous avons reçu les pièces par email. Donc on s'est rendu compte que les travaux avaient bien eu lieu à la fin janvier, donc après la mise en demeure. Donc, sans plus attendre, j'ai pris un arrêté qui abrogeait l'arrêté précédent. Et je suis ravi d'avoir fait cet arrêté, puisque finalement, après plus de 2 ans, il va permettre aux enfants de cette école de pouvoir aller à l'école en toute sécurité réglementaire, en tout cas. 5 villes, dont Grenoble, poursuivent l'État en justice à propos de l'hébergement des sans-abri. Grenoble donc, mais aussi Strasbourg, Rennes, Lyon et Bordeaux qui déposent plainte, des recours indemnitaires contentieux auprès de leurs tribunaux administratifs respectifs pour prouver les carences du système actuel et instaurer enfin une véritable politique de mise à l'abri, explique ces différentes mairies. Et puis la grève à la SNCF, elle débute dans 2 heures maintenant. La grève s'annonce très suivie dans le pays avec un TGV sur 2 en circulation, mais les trains en direction des stations de ski dans les Alpes devraient globalement être épargnés par la grève des contrôleurs. La priorité des circulations est donnée aux trains les plus pleins, explique la SNCF, et c'est le cas évidemment dans notre région avec les vacances scolaires. La météo, Christophe. Tiens, on va jouer au rugby ce soir, il me semble. Et normalement, c'est ça. Ça va donner quoi? Ouais, c'est ça. Important. Bah oui, bien sûr. Quel temps il fait pour un match de rugby? Ah bah ouais. Par contre, ce sera nuageux, comme cet après-midi. Demain, on continue toujours sur un temps nuageux. Dans l'après-midi, des températures qui seront encore largement au-dessus des normales de saison. 13 à 16 degrés attendus en pleine. C'est beaucoup trop, bien sûr, pour un 16 février. 11 à 12 degrés à 1000 mètres d'altitude. Et si vous allez sur le télésiège, peut-être demain, Julien, vous aurez entre 5 à 7 degrés à 2000 mètres. Beaucoup trop chaud. D'altitude. Vous pourrez skier sans gants. Ouais. Et sans anorak et sans bonnet. C'est un peu triste. Ouais. Malheureusement. Mais c'est un petit peu triste tout de même. Pour samedi, des nuages, parce que c'est important le week-end également. Et puis des grisailles locales dimanche et quelques précipitations dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, vous êtes au courant. La météo 100% locale avec Lens en Vercors, les domaines skiables les plus proches de Grenoble. Retrouvez-nous sur skipass.lensenvercors.com. Lens en Vercors, osez le ski naturellement. À 18h05, pas de camp de base aujourd'hui exceptionnellement, puisque nous sommes très heureux entre 18h et 19h de vous proposer ce spécial rugby avec toutes vos questions au président du FCG, club de rugby de Grenoble, Patrick Goffi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, à 3h du coup d'envoi de Grenoble-Brive, au Stade des Alpes. Vous avez accepté notre invitation pour discuter avec nos auditeurs, nos auditrices, et on vous en remercie. On va s'intéresser pêle-mêle à la saison en cours, au match de ce soir, aux finances du club, aux infrastructures, au recrutement, à la vie de ce beau club de Grenoble qui parfois peut déchaîner les passions. Partagez votre passion du rugby avec France Bleu Isère. Émission spéciale jusqu'à 19h. Et Patrick Goffi, quand un club déchaîne les passions, c'est qu'il est en vie, président? Ben oui, effectivement, depuis 6 mois, Grenoble a fait parler, a fait couler beaucoup d'encre. Pas forcément toujours pour des bonnes nouvelles, mais effectivement, le club de Grenoble est bien vivant, est bien là, et tout est en place ou sur la voie d'être au beau fixe. Antonin Carmen est avec nous. Bonsoir Antonin. Bonsoir Christophe. Et puis on aura dans un instant, dans 2 minutes, Roger Deschirolles. Pour une première question, vous pouvez les poser au 04 76 46 45 45. Patrick Goffi, vous disiez le club est bien vivant. On rappelle que vous êtes arrivé au printemps dernier en tant qu'actionnaire pour sauver le club qui était en difficulté, pour donner un coup de main. Président depuis le mois de juillet, est-ce que cet été vous avez craint, vous avez envisagé, vous avez vraiment pensé que le club allait mourir? Oui, très honnêtement, dans les déclarations que j'ai pu faire ou les interventions que j'ai pu faire, j'ai jamais montré de crainte, mais les inquiétudes étaient bien réelles, parce que le déficit du club était très très très important, et il était beaucoup plus important que ce qu'il m'avait été annoncé, je dirais, aux instances, et à la découverte de la vraie réalité, et ben le travail était d'autant plus conséquent pour le redressement du club. Je le rappelle, c'est 4,5 millions de passifs et 4 millions engendrés pour l'année qui est en cours, puisqu'à partir du mois de juillet, vous ne pouvez absolument plus rien faire puisque tous les contrats sont engagés. Et alors ces finances, justement, où on en est de l'état des finances, on en parlera dans quelques instants. D'abord, peut-être un mot quand même pour commencer sur le sportif, sur ce qui vous attend ce soir, ce qui attend vos hommes. Le match contre Brive, c'est un match capital pour le FCG, ça peut être le tournant de la saison. Oui, sportivement, c'est un peu l'ascenseur émotionnel également, parce qu'on avait un peu mal débuté la saison, très bien, on a eu un passage très bon, et puis un revers impossible chez nous, je dirais, contre Dax, et depuis, effectivement, on est un petit peu dans le dur, parce que il y a beaucoup de, je dirais, de blessés. Les joueurs n'ont rien lâché, font ce qu'ils peuvent, et je reconnais que ce qu'on leur a fait vivre pendant ces 6 derniers mois, c'est quand même dur pour un sportif à digérer. Et donc, on a un peu ces résultats qui sont en dents de scie. Cette émission, on la veut jusqu'à 19h avec nos auditeurs. Eh bien, nous avons Roger avec nous, Deschirolles. Bonjour Roger. Oui, bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Patrick Goffi, écoute votre question. Voilà, ma question était... Ne pensez-vous pas que le fait d'avoir récupéré des points au classement n'a pas freiné dans l'élan des joueurs qui voulaient se lancer un défi? Ça peut être une raison. Je ne pense pas, puisque l'accueil d'avoir récupéré 4 points, bien sûr, a été bienvenu. Moi, j'ai été un petit peu déçu parce que je me suis battu, je dis, pour les 6. On en a récupéré que 4 pour le moment. Les joueurs l'ont accueilli, bien sûr, mais je crois que la vraie raison sur notre baisse de performance aujourd'hui, c'est un petit peu, je dirais, un coup au moral, et un coup au moral, et beaucoup de blessés sur des postes très importants chez nous, notamment sur la troisième ligne et la deuxième ligne. Voilà Roger. Merci Roger Deschirolles. On passe à Cessin, puisque cette émission, elle est pour vous aussi. On reviendra bien sûr avec Antonin Carmen sur différents points jusqu'à 19h. Françoise, c'est une supportrice du FCG. Depuis combien de temps, Françoise? Dites-nous. Oula, depuis la remontée après la descente en national. Voilà. Ouais, national, voilà. Ça fait un bail, donc voilà, c'est assez simple. Voilà. Posez votre question au président Goffi. Alors, c'était bonjour, d'accord. Bonjour. Alors, c'était pour vous dire déjà que je suis une abonnée fidèle, et que même quand les résultats sont pas très très bons, on est toujours au stade, contrairement à certaines personnes. Bon, donc vous êtes une vraie supportrice. Oui. Par contre, est-ce que vous pensez qu'on a une chance de récupérer les deux points qui ont été enlevés? Bon, on a récupéré 4, mais est-ce que les deux points seraient... C'est une possibilité. Sur les deux points restants de ça, très honnêtement, je ne pense pas. Aujourd'hui, vous savez qu'on est toujours en procédure sur les 6 premiers points qu'on a perdus. Et on tentera, juste avant la fin de saison, quelque chose pour éventuellement récupérer ces 6 autres points. Mais sur les deux derniers, là, ils nous en ont rendu 4. C'est pareil, faudrait entamer des procédures qu'on ne fera pas, mais qui dépasseraient le temps de la saison, donc il n'y aura aucun intérêt. On parle beaucoup de ces points perdus pour des raisons financières, pour le budget de la saison passée. Forcément, ça impacte, Patrick Goffi, votre saison. Aujourd'hui, Grenoble est à 7 points de la 6e place, les places qualificatives pour les phases finales. Quel est votre objectif, l'objectif de votre club? Est-ce que ne pas aller en phase finale serait un échec? Je ne vais pas considérer pour moi que ça serait un échec vu d'où on vient, parce que je pense qu'il faut avoir conscience de la réelle situation du club en date du 1er juillet. Aujourd'hui, les choses vont certes très vite, mais les difficultés pour certaines, je dirais, demeurent. Donc si on peut accrocher, compte tenu de toutes ces pertes de points, les phases finales, ça serait une vraie réussite. Vos questions à Patrick Goffi au 04 76 46 45 45, c'est maintenant. Je vous propose d'écouter les Rolling Stones tout de suite avec Satisfaction. France Bleu Isère reçoit Patrick Goffi, président du FCG. Vos questions au 04 76 46 45 45. I tried. Satisfaction et les Rolling Stones, nous sommes en 1965 sur France Bleu Isère. Alors je ne sais pas en quelle année, en 65, quel avait été le résultat du FCG, Patrick Goffi. C'était des bonnes années ça, les années 60 ou pas? Je ne sais pas, je n'ai pas souvenir. 54, c'est l'année où ils ont été champions de France. Oui, c'est ça. Après, ça a dû fluctuer. Après, ça a fluctué. Nous sommes avec vous, un président, jusqu'à 19h. Vous pouvez poser vos questions si vous nous rejoignez et que vous mettez la radio au président Patrick Goffi du FCG, l'équipe de rugby de Grenoble, jusqu'à 19h au 04 76 46 45 45. Dans un instant, Christophe de Laval. Alors, pas Laval là-bas. En Mayenne. Laval, chez nous. Mais en avant cela, continuons également avec vos questions, Antonin Carmen. Bah oui, puisque vous êtes attendu, Patrick Goffi, notamment ici ce soir, sur l'état des comptes du FCG. On a dit que c'était très dur, que le club cet été était passé tout près de la correctionnelle et de la disparition. À l'heure où on se parle aujourd'hui, comment ça va financièrement? Est-ce que Grenoble va bien finir la saison ou est-ce qu'il faut s'attendre à nouveau des soucis dans les mois qui viennent? Non, alors je l'ai dit, le déficit était très important et le déficit qui allait se constituer cette année était aussi important puisque aucune mesure de gestion avait été prise avant le 30 juin et que les contrats d'engagement étaient pris, donc toutes les dépenses étaient actées et donc il faut qu'on fasse avec cette année. Il faut savoir que si on avait laissé les choses en état, on aurait fait encore 4 millions de pertes. Aujourd'hui, on prévoit un atterrissage autour des de moins 1 million pour cette année, ce qui est déjà les trois quarts du passif récupéré pour cette saison. C'est encore trop, on espère l'améliorer dans les 5 mois qui nous restent, mais ça nous permet de pouvoir se présenter devant la Ligue avec des états financier, je dirais propre, et une situation qui a déjà été discutée. Ils nous attendent avec des éléments probants, je dirais, sur la certification de nos comptes. Mais là-dessus, on est serein pour cette saison, de ne pas revivre la dramaturgie du mois de juin. Donc plutôt confiant. Cette émission est la vôtre aussi. Nous avons Christophe, donc à Laval, dans la vallée du Grésivaudan. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Président Bonjour, bonjour. On vous écoute. Comme vous l'avez dit, et puis je pense que tous les supporters grenoblois ne peuvent que vous être reconnaissants du redressement entamé des finances du club, il n'empêche que la détérioration des finances du club devait beaucoup à l'actionnariat du club. Est-ce que aujourd'hui, il y a la réorganisation capitalistique qui a été mise en œuvre. Elle est passée aussi par une mise à l'écart de ceux qui avaient entraîné le club au bord du gouffre. Ou est-ce que ces gens continuent à jouer un rôle important dans le processus de décision au sein du club? Alors, dans le processus de décision au sein du club, je vais dire non. Aujourd'hui, on s'est attaqué à une tâche très très lourde. Avec Laurent Pélissier, chaque jour, je veux dire, on échange, chaque jour, on fait des choses. On a dû à mettre, je dirais, beaucoup d'argent avec les autres actionnaires, avec les autres actionnaires, qui étaient au départ au nombre de 12. Aujourd'hui, on va dire c'est 5-6 personnes. Et une autre personne, donc Hassan Rachidi, de la CHRS, qui nous a rejoint très, très récemment et qui va nous donner un sérieux coup de main complémentaire, je dirais, pour définitivement capitaliser le club comme il se doit. Est-ce que, à propos de l'arrivée d'Hassan Rachidi, Patrick Goffi, restez là, Christophe, vous avez une deuxième question, restez là. On vous oublie pas. Est-ce que vous êtes en contact, à la recherche encore d'autres actionnaires? La porte est ouverte à tout le monde, ou là vous estimez qu'avec ce que vous avez constitué ces derniers mois, l'équipe est suffisante pour aller sur le terrain financier? Non, je dis à toute bonne volonté et bienvenue. Le club n'appartient pas à Patrick Goffi. Aujourd'hui, il y a un groupe d'actionnaires, mais le club appartient, je dirais, à Grenoble, à tous ses supporters, à tous les gens qui l'aident tous les jours, puisque ok, les actionnaires ont amené beaucoup d'argent, mais on a tous nos partenaires, on a tous nos supporters qui chaque jour participent beaucoup, je dirais, à cette structure du club. Voilà. Antonin, si vous avez un petit million, vous pouvez rejoindre les actionnaires du club. Et pour continuer et répondre, les gens qui ont été complètement impliqués dans cette gestion un peu catastrophique, ne sont plus aux commandes. Bon, Christophe, dites donc, vous êtes un chanceux, on vous fait pas mal de place. Vous avez droit à une deuxième question à Laval, Christophe. Merci beaucoup. De rien. Votre réponse très honnête, Monsieur Goffi. Ma seconde question était aussi une question qui appelle sûrement une réponse très franche de votre part. Beaucoup de bruit court sur les tensions entre une partie du staff et les joueurs, en particulier entre Aubin Weber et les joueurs. Qu'en est-il ? Je vais vous répondre. Je dirais c'est vrai qu'il y a de la tension. Je dirais entre une partie des joueurs et Aubin Weber, puisque Aubin Weber, il a fait comme j'ai fait moi au niveau de la gestion de l'ensemble du personnel. On a dû prendre des mesures, et quand on prend des mesures qui sont un peu dures, et ben effectivement ça crée des tensions. Et aujourd'hui l'analyse qui est faite, je dirais entre les joueurs et Aubin, je dirais est effectivement un petit peu électrique. Donc pour faire simple, Aubin travaille avec moi, je dirais, sur beaucoup d'aspects, je dirais, pour la structure du club au niveau sportif. Et les joueurs vont, puisqu'ils s'entendent, je dirais, beaucoup mieux avec Patrick Pezzari et Nicolas Nadeau, faire une fin de saison, je dirais, avec une intervention beaucoup plus importante de ces deux entraîneurs, l'entraîneur des avant et l'entraîneur des arrières. Voilà. Et aussi le staff, le reste du staff. Voilà, et Christophe. Pour que l'on comprenne, Aubin Weber prend un peu de distance, on va dire, par rapport au terrain, peu de hauteur. On ne veut pas faire de polémique. On n'a pas besoin de ça, je dirais, dans le club. Aujourd'hui, les joueurs sont, ils me l'ont dit, complètement investis pour regarder vers le haut et non pas vers le bas. Je tient compte de leur, je dirais, de leur remarque. Aubin va œuvrer plutôt en tant que directeur sportif pour cette fin de saison, puisqu'on a beaucoup de chantiers pour préparer la future saison, et on va laisser aux joueurs et aux autres membres du staff de nous faire une fin de saison comme la saison dernière. Bon, vous serez au match tout à l'heure, Christophe? Oui, tout à fait. Eh ben, on se retrouvera tous là-bas. Merci. Vous pourriez être journaliste, hein, Christophe. Belle question. Hein. Ah, franchement, pas mal. Merci beaucoup. À Laval. Et à tout à l'heure, 21h, je vous le rappelle, match à vivre sur France Bleu. Grenoble face à Brive. Et puis Patrick Goffi avec nous jusqu'à 19h. Profitez-en. Venez lui poser vos questions au 04 76 46 45 45. Je vous propose dans quelques secondes les enfoirés. C'est jusqu'au dernier sur France Bleu. Le 6-9 France Bleu Isère, Mathieu Montel. C'est un très bon réveil que nous allons vivre ensemble ce vendredi, comme tous les jours. Nous réveillons ensemble et on va faire aussi beaucoup de balades. Direction Villard-de-Lans, bien sûr, avec Mon Quartier, Mon Village et Alain Salomon, qui nous emmène donc à la découverte de cette commune pour laquelle vous pourrez voter dans ce concours que nous organisons. Nous irons observer les étoiles dans le Trièves avec Célia Bugny-Roman et les coups de cœur isérois. Sans oublier deux forfaits de ski pour la station de Vaujagne-Auze à gagner en nous écoutant et en jouant à 7h20 ce vendredi. Un excellent réveil avec nous. À demain sur France Bleu Isère. Partagez votre passion du rugby avec France Bleu Isère. Émission spéciale jusqu'à 19h. Si tu entends nos voix, c'est qu'on est encore là à compter les saisons. Tu reviens comme l'hiver, nous, on te voudrait pépère au chaud dans ta maison. Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. 35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid. On a tout essayé, ou presque, ou presque encore. Allez, alors on va crier qu'on reste. Qu'on passe à table, On accepte l'inacceptable quand de nous peut manquer. De chaleur et d'amour, mais qui volera sans secours dans la nuit de janvier. Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. 35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid. On a tout essayé, ou presque, presque, ou presque encore. Allez, alors on va crier qu'on reste, nous on reste jusqu'au dernier. On va tout essayer, on reste, nous on reste jusqu'à la fin. Au dernier, c'était les Enfoirés sur France Bleu. Pas de camp de base aujourd'hui, vous l'entendez, depuis 18h, émission spéciale rugby. Je vous rappelle le match ce soir, 21h, Grenoble-Brive, dans notre très beau stade des Alpes, match capital, c'est vrai, pour cette saison 2023-2024. Le président Patrick Goffi a accepté notre invitation et on le remercie de répondre à vos questions et aux questions d'Antonin Ackermann jusqu'à 19h, Antonin. On va parler notamment, ce sera après 18h30, d'un sujet qui préoccupe beaucoup les supporters, les amateurs de rugby, c'est bien évidemment le recrutement, les ambitions. Quelles sont les ambitions des prochaines saisons pour le FCG? Avec quel joueur? On en parlera avec vous, Patrick Goffi. Continuons à parler. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va un petit peu avancer vers cet avenir sur le budget de la saison prochaine. Et surtout parce que c'est ça qui détermine beaucoup de choses, la masse salariale. Est-ce que, avec tout ce qui s'est passé financièrement, Grenoble va devoir réduire la voilure, avoir un budget moindre, une masse salariale en baisse? Non, aujourd'hui c'est pas le. Aujourd'hui, on a mis les moyens pour justement pouvoir maintenir, ce budget de fonctionnement que l'on a, qui est, très intéressant déjà pour composer une très belle équipe, de Pro D2. Ça ne veut pas dire qu'on va pas travailler au sein de cette masse salariale une optimisation et un meilleur rendement au niveau des nouveaux joueurs salaires. C'est clair, puisque à peu près 15-16 joueurs partiront du club de Grenoble à la fin de saison. 8 et de la volonté du club. 7 pour le moment de la volonté des joueurs. Et on s'est donné un maximum de recrutement de 9 joueurs extérieurs pour laisser justement de la place à tous nos jeunes pépites du centre de formation, de l'équipe Espoir. Et il y en a quelques-uns qui viendront compléter l'effectif et qui seront présents, parmi l'équipe groupe première pour la saison prochaine. Un dernier mot sur les finances, vous l'avez esquissé aussi, le partenariat, c'est essentiel pour un club de rugby. Les actionnaires sont essentiels pour amener l'argent quand il le faut, mais pour rouler au quotidien, pour que la machine marche, il faut de nombreux partenaires. Est-ce que de ce côté-là, il y a eu des années difficiles ces dernières saisons, des partenaires un petit peu abandonnés et est-ce que désormais, vous arrivez à renouer avec les entreprises du tissu local, qui est quand même un tissu très dynamique économiquement? Beaucoup d'entreprises sont revenues et je les remercie. On va faire à peu près plus d'un million d'euros de partenariat de plus que la saison passée, ce qui est colossal dans la situation dans laquelle on se trouvait, et savoir qu'on a commencé à travailler qu'au mois d'août, et qu'au mois d'août on doit quasiment avoir fini son partenariat pour la saison d'après. Donc on est parti avec 4-5 mois de retard, ce qui est bien sûr compliqué, mais là on travaille avec toute l'équipe des commerciaux et tous nos partenaires pour justement faire un budget partenariat encore plus ambitieux la saison prochaine. On va pas mettre des chiffres qui ne sont pas réalisables, on va l'augmenter à peu près de 10% par rapport au aujourd'hui. aujourd'hui. Si on l'atteint, on aura bien bouclé notre budget et les finances du club seront à l'équilibre. 04 76 46 45 45. Vous posez vos questions en direct à Patrick Goffi. C'est jusqu'à 19h sur France Bleu. Décrochez votre téléphone. Nous sommes là pour vous accueillir. On marque une très courte pause. On prend des nouvelles du ciel, de la circulation. Je vous offre deux forfaits de ski aussi dans cette émission de rugby. Dans quelques secondes, ne bougez pas. France Bleu soutient les nouveaux talents de la scène musicale française. Je reçois Jérôme Attal. Éric Bastien. C'est un auteur reconnu, récompensé, mais c'est aussi un grand parolier des centaines de chansons interprétées par les plus grands, comme Florent Pagny, Johnny Hallyday, Grand Prix de la SACEM, Grand Prix de l'Académie, Charles Cros. Il n'en oublie pas pour autant sa propre carrière solo. Avec un nouvel album, Jérôme Attal est votre invité ce soir. La nouvelle scène musicale. Découvrez les artistes de demain sur France Bleu, chaque soir, dès 20h. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Isère, ici, on parle d'ici. Le ciel attendu pour ce soir, ceux qui iront au match. Grenoble-Brive auront un ciel ennuagé, mais pas de pluie. C'est ce que nous dit Météo France. Demain, on continue toujours sur un temps très nuageux, avec quelques pluies quand même sur l'ouest de l'Isère, donc Vallée du Rhône, en fin de journée. Et puis en soirée, ce sera un petit peu plus sec du côté de Grenoble et de l'est du département, sud-est. Donc des nuages, des températures toujours au-dessus des normales de saison, entre 13 et 16 degrés en pleine, 11 à 12 degrés à 1000 mètres d'altitude, et puis 5 à 7 degrés à 2000 mètres d'altitude. Allez, avant de retrouver Patrick Goffi, président du FCG, je vous offre, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, deux forfaits de ski pour la station de Vaujany. Vaujany, pour vous, avant la fin de la saison 2023-2024. Pour cela, si vous êtes le plus rapide au 04 76 46 45 45, eh bien, vous êtes servi le premier. Bon courage, bonne chance pour Vaujany. Deux forfaits de ski, c'est maintenant sur le standard de France Bleu. Et donc Patrick Goffi qui est à nos côtés jusqu'à 19h, qui répond à vos questions et aux nôtres. Patrick, c'est plus une question de cœur que j'ai envie de vous poser. Le FCG est ancré depuis tellement longtemps 1892. En Isère et à Grenoble. Est-ce que vous pouvez comprendre parfois certains supporters qui ont des mots un petit peu plus haut placés parce que leur club chéri, leur club de cœur vit des moments un peu compliqués, eux qui ont connu les demi-finales, les finales. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de leur trip et parfois ils pensent un peu plus, ils parlent un peu plus fort que ce qu'ils pensent? Je peux que partager parce qu'on sait très bien que la passion des fois dépasse la raison. C'est ça. Et c'est un engouement, le vrai supporter. Mais comme la dame nous a dit tout à l'heure, le vrai supporter, il est toujours présent au stade, aussi, dans la victoire. Aussi. Mais nos supporters peuvent être là de tous ces épisodes un peu tumultueux dans le club. D'ailleurs, vu qu'on a offert des forfaits, on va faire juste un petit coucou à Gaëlle qui est avec nous. Gaëlle, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes à Saint-Guillaume sur le plateau Mathézin, je crois. Non. Oui, Triez-Vercors. On n'est pas très loin de Grèce-en-Vercors. C'est pas tout à fait pareil. Saint-Guillaume, c'est pas tout à fait de ce côté-là. Bon, d'accord, excusez-moi. Ça. En tout cas, vous allez skier à Vaujany, Gaëlle. Eh ben, c'est formidable, c'est super. Est-ce que vous êtes une amatrice de rugby? Ah, j'aime beaucoup le rugby, oui. Bien, nous avons le président du FCG avec nous jusqu'à 19h pour lui poser des questions. Vous n'hésitez pas à ceux et celles qui nous écoutent au 04 76 46 45 45. Merci Gaëlle. C'est moi qui vous remercie. Et bonne soirée Antonin, excusez-moi, je vous ai... Il n'y a pas de souci. Je vous ai coupé. Pas de problème Christophe, je voulais prolonger ce que vous disiez, la discussion sur le public. À propos de l'affluence moyenne cette saison au Stade des Alpes, c'est quand même une des déceptions, j'ai envie de dire, de cette saison et des saisons précédentes. On va mettre entre parenthèses la folle fin de saison dernière avec un stade plein sur 2-3 matchs, évidemment. Mais sinon, le public a du mal à revenir en masse au Stade des Alpes. On est autour des 6700 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison. Oui, c'est beaucoup peut-être pour une moyenne de Pro D2. Mais pour moi, c'était beaucoup trop faible. Parce que quand le stade est plein, quand il y a du monde, c'est une autre ambiance. C'est le 16e joueur sur du terrain. Et pour nous, c'est très important. Et c'est surtout important financièrement parce que plus le stade est rempli, plus on a de la recette, plus on a de la ressource. Maintenant, on est très pénalisé parce qu'on joue souvent. La télé aime bien venir filmer Grenoble et c'est le jeudi soir. Et le jeudi soir, pour les enfants, c'est difficile. On joue à 21h, c'est encore plus difficile. Et tout ça sont des éléments qui nous nuisent un petit peu. Parlons maintenant du recrutement. On l'a esquissé un petit peu tout à l'heure, mais continuons avec notamment une prolongation qui a été actée. C'était récemment. C'est Nicolas Nadeau qui va donc rester et qui a prolongé l'entraîneur des arrières. Oui, Nicolas donc a confirmé, je dirais, sa présence à Grenoble pour les prochaines saisons. J'en suis ravi parce que Nicolas est quelqu'un de caractère, qui est quelqu'un techniquement, je dirais, très fort. Il a fallu aussi lui qui s'adapte et qui fasse une équipe avec les autres membres du staff, puisque lui était le seul à rester de l'ancien staff. C'est pas facile non plus, et j'espère que tout va bien se passer et qu'on va créer une vraie équipe également dans le staff. Et concernant les autres prolongations de contrat, beaucoup de joueurs en fin de contrat, parmi eux des joueurs emblématiques, Steve Blanc-Mapaz notamment, où en est cette campagne de reconduction? Eh ben, écoutez, je vous l'ai dit, on a 8 joueurs qu'on ne souhaitait pas, je dirais, conserver, je dirais, dans la... Vous avez noms dans le club? Bon, vous avez les piliers droits, Nixon, je dirais, Sua, je dirais, vous avez des gens qui arrivent en fin de carrière. Et donc, naturellement, le numéro 9, je dis naturellement, c'était prévu, c'est pas une surprise, je dirais, pour personne. Ensuite, il y a 7 joueurs que nous, on aurait probablement aimé conserver, mais qui ils vont sur d'autres horizons, et je leur ai dit que je leur souhaitais le meilleur pour eux dans leur future carrière. Aujourd'hui, je vais vous dire que Steve est sur le départ, puisque la proposition qu'on lui a fait ne lui a pas été grée. Il veut aussi, je dirais, connaître le top 14 pour sa fin de carrière. C'est tout à fait légitime. Il n'empêche que il est toujours présent, il se donne, je dirais, à fond, pour l'équipe. Je peux que le remercier, et c'est lui qui a été un peu à l'origine de cette volonté de changement, tout en assurant que l'équipe allait faire comme ils ont fait l'année passée, faire tout pour regarder le haut. Oui, avant d'écouter Julien Clerc, vous pouvez nous donner une ou deux recrues, Patrick Goffi, quelques noms. On va dire, je veux dire que dans l'étoulier, il y a Julien Farnoux qui a signé, qui restera. Non, mais des nouvelles recrues qui pourra arriver. Pour le moment, on donnera pas de noms, mais très rapidement. Sur les postes, au moins, à ce moment-là. Je pense que les recrutements, c'est vite fait. Hein, c'est trois piliers droits. C'est un talonneur. C'est 2 troisième lignes. C'est un numéro 10, un centre, un ailier. Ok, un recrutement déjà bien avancé. C'est un recrutement qui est à plus de moitié déjà réalisé, et je pense que avant fin mois de février, on aura, je dirais, tous nos recrutements faits. C'est des joueurs, je dirais, qui ne sont pas en fin de carrière. Il y a certains joueurs issus du top 14, voire du super 12. Donc pour le moment, c'est plutôt quelque chose qui se présente plutôt bien. On n'aura pas les noms, mais on a déjà les postes. Et on le fait sans casser la tirelire, en pensant à garder bien la tête sur les épaules et ne pas aller creuser, créer des difficultés pour le club. Là, ça, c'est marqué interdit. 04 76 46 45 45, on va vous répéter le numéro. Si vous avez une question à poser à Patrick Goffi, c'est le moment. Il est avec nous, il nous a fait l'amabilité de nous rejoindre de 18h jusqu'à 19h avant de filer au Stade des Alpes. Grenoble-Brive ce soir, à vivre avec votre commentaire Antonin Kermen, bien sûr, dès 21h. Allez-y, voici Julien Clerc et Cœur de Rocker sur France Bleu Isère. France Bleu Isère reçoit Patrick Goffi, président du FCG. Vos questions au 04 76 46 45 45. Yeah, yeah, yeah. a trouvé à me dire c'est tu vas faire mourir ta mère. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui mais maman, je t'aimais quand même. Oh, comme personne t'a jamais aimé. Claire et son cœur de rocker sur France Bleu Isère. Partagez votre passion du rugby avec France Bleu Isère. Émission spéciale jusqu'à 19h. Oui, on a Gérard qui nous a appelé. On l'appellera et on le rejoindra d'ici 5 à 6 minutes. Juste un petit mot, parce que je suis le forum également en direct. On nous demande le 9 qui part, c'est qui, Président Goffi ? Eh bien, c'est Scoura, l'Argentin. Il y a son frère qui est au centre, qui lui est encore en contrat. Mais c'est Felipe Escoa qui parle. On l'entend, Patrick Goffi, vous n'avez pas votre langue dans la poche. D'ailleurs, tout juste après votre arrivée, en plein milieu de la bagarre des 6 points, vous avez eu quelques mots durs face à la Ligue nationale de rugby, malhonnête, tricheur. Est-ce que vous reconnaissez un peu une erreur et surtout, est-ce que les relations avec la Ligue se sont apaisées ? Bon, le plus important, c'est que les relations soient apaisées. Je leur ai dit que je ne reconnais pas une erreur. J'ai dit, mais moi, j'ai défendu ce que j'ai acheté quand je suis arrivé à Grenoble. Et on m'a dit, il y a 2,5 millions de passifs. Pour moi, c'était pas possible qu'il y ait 4,5 millions. La réalité des chiffres, c'est eux qui l'avaient. Et effectivement, ça a créé une tension supplémentaire puisque eux n'accordaient plus aucun crédit au FCG. Et tout ce que je pouvais leur dire, ils me disaient, oui, vous avez raison de nous le dire, mais il faut nous le prouver. Et c'est le travail qu'on a fait depuis 6 mois, qu'on leur a présenté en février, où on a eu une très bonne réunion de travail et on a fait voir ce qu'on disait, on le faisait, et c'était la réalité des vrais chiffres. Ce qui tient Grenoble depuis plusieurs saisons, on apprend d'ailleurs ce soir la sélection de Marco Gazzotti qui a quitté le FCG seulement cet été avec l'équipe de France pour préparer le prochain match dans le tournoi destination face à l'Italie, ce sera à Lille. C'est donc la formation qui tient en partie le club grenoblois qui est vraiment un savoir-faire important à Grenoble, Barnabé Massa, on peut en citer plein. C'est quelque chose sur lequel vous souhaitez continuer à vous appuyer ? Oui, beaucoup. Parce que Grenoble est reconnu, je dirais, pour sa formation. Sort énormément de très bons joueurs, va en continuer à en sortir. Et le travail qui est fait par l'association et Franck Corillon, et ses présidents, bien sûr, je dirais, est énorme. Et moi, je compte beaucoup investir avec eux pour mettre encore plus de moyens peut-être de structure. On en parlera, je suis sûr, tout à l'heure. Dans quelques minutes. Il reste un quart d'heure, on va en parler des structures. C'est le dernier sujet. C'est vraiment de l'investissement, puisque pour nous, ça fait partie de notre modèle économique. Ça fait partie du modèle économique. Ça va aussi sur comment les garder. Mais c'est-à-dire que vous, et peut-être c'est quelque chose qu'il faut expliquer, parce que Christophe nous dit comment les garder. Mais peut-être que dans l'esprit d'un dirigeant, c'est aussi que ces joueurs formés ont une valeur marchande et que ça peut être un moyen pour le SCG. On voit par exemple des joueurs qui vont partir, on pense à Régis Montagne, des joueurs qui ont été formés ici et qui vont rapporter de l'argent au club. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui entre en ligne de compte? Un joueur formé à Grenoble est-il amené à partir pour rapporter un peu d'argent? C'est très clair. Je crois que aujourd'hui, cette formation, quand elle sort des bons joueurs, elle rapporte au niveau du club. Bien sûr que le club veut garder tous ses joueurs. Mais pour garder tous ses joueurs, il faut avoir les moyens des clubs du top 14. Et aujourd'hui, Grenoble, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'on n'avait pas les moyens pour garder, je dirais, ces joueurs. Ça ne veut pas dire pour autant, je dirais, qu'ils ne seront pas de retour un jour à Grenoble. Mais il y a des priorités. La priorité, je dirais, c'est de mettre des bases solides au niveau du club, de maintenir ce niveau de performance au niveau de la formation, parce qu'un joueur, eh ben, il a de l'ambition, comme Marco Gazzotti, il a voulu aller à Bordeaux parce qu'il avait de l'ambition et les moyens, et on le voit aujourd'hui. Et que cela a aussi donné un coup de main financier au FCG, le départ de Marco Gazzotti au cours de l'été que l'on a vécu. C'est très clair, je vous ai dit, la formation fait partie du modèle économique. Si on les avait gardés tous depuis 5 ou 10 ans, on aurait une On aurait trois équipes. Oui, c'est ça, il y aurait trop de monde. Allez, des questions. On va appeler Gérard dans un instant. 18h47, 13 minutes encore avec président Goffi, président du FCG, club de rugby de Grenoble. Ah oui, ils arrivent comme ça en Isère et disent, vous me parlez du FCG, football club de Grenoble. C'est le club de rugby de Grenoble, c'est ainsi. À Grenoble, on n'est pas comme les autres. Les petits Isérois, l'émission qui aide les enfants à bien grandir. Michel Caron. Comment apaiser un enfant, le sécuriser, l'encourager à respecter un cadre, voire le guérir? La médiation animale a fait ses preuves. Karine, par ailleurs professeure des écoles auprès des enfants en difficulté, a créé l'association Les Tipouns dans une ferme ARB. Elle propose de la médiation animale à visée pédagogique, voire rééducative ou thérapeutique, au contact des poneys, des chevaux et des chiens. L'association Les Tipouns est notre invitée. Rendez-vous ce samedi à 10h. France Bleu Isère, émission spéciale avec le FCG jusqu'à 19h. Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore mes joies, j'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Les pansements et je me dirais à moi-même, tu vois, fais-toi confiance, que tant qu'on a ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Et je peux si je comprends pas pourquoi je change quelquefois. J'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas, car quand je dors. C'est à lui tout savoir sur France Bleu, 18h50. France Bleu Isère reçoit Patrick Goffi, président du FCG. Vos questions au 04 76 46 45 45. Et les cinq dernières minutes avec vous, président, et avec Gérard. Bonsoir, Gérard. Oui, bonsoir à tous. Vous appelez de Faugères, c'est où en Isère, Faugères? Ah oui, alors là, c'est pas dans, je suis pas du tout dans l'Isère. Je suis grenoblois d'origine, mais de, pour mon travail et mes obligations professionnelles, je suis à côté de Béziers. Ouais. Je suis au cœur des vignes, dans le village de Faugères. Bon, à Béziers, vous pourriez pas leur donner un petit truc pour que ça aille un petit peu moins bien? Eh ben, écoutez, j'ai vu le premier match de la saison de Grenoble à Béziers. Ouais. Et alors, on avait pris la pâtée, comme on dit chez nous. 48-3. Et figurez-vous que quand je peux, je reviens à Grenoble parce que j'ai ma fille qui habite Voiron et pour beaucoup d'amis rue de Liman qui sont à Grenoble, donc je vais au stade. Et justement, je vous appelais ce soir parce que quand on parle d'économie, et vous avez un homme, ce président Patrick Goffi est très déterminé, je le sens bien, et c'est heureux qu'on ait enfin quelqu'un comme ça à la tête du club, mais je pense, pourquoi Lesdiguières? Ce projet de Lesdiguières qui est quand même un petit stade, même si il faut vivre avec son temps, je pense qu'un public, quand on voit les 5000 personnes au stade des Alpes, ça fait vraiment miséreux, alors que je suis sûr que rien qu'à Lesdiguières, l'ambiance serait différente pour les joueurs et pour le sport quoi, en général. Patrick Goffi, jouez à Lesdiguières. Vous savez que j'ai été président il y a plus de 20 ans du FCG et on jouait à Lesdiguières. Et oui. Je connais les chaudes ambiances et ce que représente, je dirais, Lesdiguières dans le cœur des Grenoblois et surtout des rugbyman. Aujourd'hui, les infrastructures ne sont plus homologuées au niveau de Lesdiguières et on ne peut plus rejouer au niveau de Lesdiguières. Par contre, on a un stade des Alpes, effectivement, qui est magnifique, mais qui est trop vide quand il n'y a que 5 ou 6 000 personnes dedans. Mais malheureusement, pour Lesdiguières, on va probablement en faire quelque chose, mais pas pour rejouer au niveau de l'équipe première. Et justement, votre centre d'entraînement, c'est de cela dont vous parlez, Patrick Goffi. Il y avait un projet à Pont-de-Clé, ce projet a été mis en pause, entre parenthèses, suspendu, dites ça comme vous voulez, pour relancer des négociations avec la mairie pour un centre d'entraînement refait à Lesdiguières. L'avenir du centre d'entraînement de Grenoble, c'est du FCG, s'écrit plutôt sur son site historique. C'est surtout un centre de performance et une académie de formation, puisque le projet il serait malgré tout d'ampleur. Pourquoi Pont-de-Clé en stand-by? Parce que le budget était de construction et c'était de 12 millions et je vois pas comment Grenoble va pouvoir trouver 12 millions. Même si le projet pouvait être magnifique et que pour le moment c'est que des pourparlers, on a une possibilité d'un retour sur Lesdiguières et de faire revivre ce stade mythique du rugby et là où on a déjà tout le centre de formation, les résidences des jeunes stagiaires et économiquement. Et pour les Grenoblois, serait une attache toute particulière. Merci Gérard à Faugères et bonne continuation. Allez, dernière question. Un Méaudrais est avec nous. Jean-Paul, bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Écoute. Patrick Goffi vous écoute. Oui, Monsieur Goffi. Monsieur Goffi, vous êtes un homme qui avait beaucoup donné dans le monde du sport, Monsieur Goffi, et par ailleurs aussi sur d'autres domaines. Vous étiez dans le rugby, comme vous l'avez dit, il y a une vingtaine d'années, la grosse équipe. Vous étiez dans les poules, vous êtes revenu dans le rugby. Moi, je dirais, Monsieur Goffi, ce qui vous manque, vous avez une volonté extraordinaire, mais ce qui vous manque, c'est l'esprit des équipes du Sud-Ouest, enfin des Jean-Paul, on va écouter votre question, oui, parce que là, on arrive à la question, Jean-Paul. Alors, votre question, Jean-Paul. Dites-nous. Oui, ma question c'est on n'arrive pas à garder des grands joueurs. Il s'expatrie, où? Il s'expatrie dans le Sud-Ouest. Donc c'est qu'il y a un esprit qu'on n'a pas à Grenoble. Il y a trop de voilà. Donc, ça c'est un commentaire. Votre question. Est-ce que, alors moi je l'ai sous les yeux. Votre question c'est est-ce que la ville de Grenoble vous soutient suffisamment, Patrick Goffi. Oui, on n'a pas de... il ne faut pas compter que sur les collectivités. Je veux dire, maintenant, le rugby, c'est un sport professionnel, c'est des structures professionnelles, c'est des professionnels qui sont à la tête de ces clubs. Donc, il faut... Le monde des collectivités apporte sa contribution, mais c'est plus autour des collectivités, compter que sur les collectivités. Il faut être pro et se donner les moyens d'un club professionnel. Alors, c'est vrai qu'avant d'arriver à des niveaux de Toulouse ou de Bordeaux ou de Castres avec des mécènes qui mettent des budgets énormes, eh ben il faut passer déjà par un travail, et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau du DFCG, c'est mettre des gens pros à la base, à la gestion, à la structure, puisque ce qu'on met en place aujourd'hui, ça sera valable pour la Pro D2, mais également pour le Top 14, parce que l'objectif, on l'a dit, c'est très rapidement retrouver le Top 14. À moyen terme, l'ambition Top 14 n'est pas abandonnée. C'est clair, je veux dire, même sportivement, aujourd'hui, on travaille, je veux dire, on n'affiche pas l'ambition Top 14, puisque, je vous l'ai dit, il faut d'abord avoir des bases solides, je veux dire, ne pas, pour éviter de faire l'ascenseur, mais sportivement, on travaille pour être prêt avec une équipe de Top 14. Merci en tout cas d'être venu, il nous reste alors une petite minute, le match à 21h, c'est Grenoble-Brive. Ça va être un match, on peut le dire, compliqué, Patrick. Il va être compliqué parce que il nous manque beaucoup de joueurs, mais je suis persuadé que toute l'équipe va faire le maximum et va mettre toute la rage et le cœur qu'ils ont. Bon, les Brivistes ne sont pas non plus. On les attendait un petit peu plus haut. Antonin, oui, c'est deux équipes qui sont un peu c'est deux équipes qui sont en difficulté parce que Grenoble reste sur 3 défaites consécutives et puis les Brivistes, eux, viennent de perdre 2 fois de suite, dont une fois à domicile. Donc ces deux équipes qui ont besoin de se relancer pour continuer à croire aux phases finales. Est-ce que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était un dimanche à 13h au Stade des Alpes où ça a fini en général? Je ne sais pas si c'était le dernier match à Grenoble. En tout cas, peut-être à Grenoble, mais depuis, il y a eu d'autres matchs. Il y a eu un terrible barrage, dont on se souvient, pour la descente là-bas. Et il y avait eu le match aller aussi, perdu par les Grenoblois. Match du dimanche qui avait fait une petite générale où on avait pris 2 cartons rouges, je crois. Thomas Lolo et Hunt. Ouais, et puis Wim Jeske était allé voir l'arbitre en lui disant si vous voulez qu'on descende directement, parce que c'était du top 14 à l'époque, bah dites-le, comme ça on ne revient pas pour la deuxième. Celle-là avait duré très longtemps. Merci Monsieur Goffi, Patrick Goffi, président. Bonsoir, merci de votre accueil. Et bah, j'espère que vous reviendrez régulièrement, pourquoi pas, chez nous et parler de sport pendant une heure. Je pense que les auditeurs, les fans du FCG sont heureux qu'on leur explique les choses finalement et non pas que ce soit des on-dit, il paraît que. Merci Patrick Goffi et bon match tout à l'heure, 21h Antonin. Exactement, on se donne rendez-vous, allez. Dans un instant, c'est Décibel et c'est Émilie Mazoyer que vous allez retrouver à partir de 19h. Partez à la découverte de l'Irlande avec France Bleu. À l'occasion de la grande tournée anniversaire Irish Celtic, France Bleu vous offre une expérience inoubliable dans l'une des capitales les plus dynamiques d'Europe. Envolez-vous pour Dublin, entre mer et montagne, et profitez de son ambiance inimitable. Tout au long de la semaine, tentez de remporter votre week-end à deux dans la célèbre capitale irlandaise. Toutes les infos sur France Bleu. À l'ombre des montagnes et dans l'étendue des plaines, c'est la flamme dans nos yeux qui nous entraîne. C'est le témoin des victoires que l'on souhaite avec ardeur, car la réussite ne s'obtient pas seule et sans valeur. Elle se conquiert en équipe et se célèbre à plusieurs. Le relais Isère Terre de Jeux, c'est jusqu'en juillet 2024. Et ça se passe près de chez toi. Tout le programme sur sport.isère.fr. À toi de jouer. Un programme sportif porté par le département de l'Isère. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Isère. Et passez une très belle soirée. Merci à vous d'écouter France Bleu Isère, match de rugby. Grenoble-Brive va suivre dès 21h tout à l'heure. Avant cela, je vous laisse entre de très bonnes mains, Émilie Mazoyer. Et c'est Décibel, bien évidemment, Émilie Mazoyer, qu'on accueille, à qui on dit bonjour. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur France Bleu. Décibel arrive juste après l'info. Et ce soir, on va fêter un anniversaire avec Axel Bauer. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Et ouais, Cargo à 40 ans, le tout premier tube d'Axel Bauer. Alors comment vit-il avec cette chanson 40 ans après, 7 albums après? Il va nous le raconter ce soir dans Décibels. On passe à l'info avec vous, Chloé Martin, bonsoir. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Dans une heure démarre la grève des contrôleurs SNCF. Et avec elle, la galère pour les voyageurs. Jusqu'à lundi, un train sur deux en moyenne est supprimé. Alors, à moins d'annuler son trajet et peut-être ses vacances, nombreux sont ceux à se rabattre sur le covoiturage. Blablacar a même vu les demandes doubler. À Cherbourg, Antoine Néfaux a rencontré ceux qui s'apprêtent à prendre le volant. Alors donc là, vous ouvrez l'application. Oui, donc je fais Cherbourg, Châtenay, Malabry, en région parisienne. Paul voyage tous les week-ends vers Paris en covoiturage, c'est lui le chauffeur. Si vous voulez regarder, on peut voir, hein. Ça part à 5h du matin, 6h, il y a déjà un complet à 6h30. 9h30, il confirme ces prochains jours, il ne sera pas le seul à prendre des passagers depuis Cherbourg. 14h30 complet. J'ai beaucoup plus de départs. Quand on fait la recherche Cherbourg, on va dire Paris, il y a une vingtaine de départs, je crois, facile. Hein. Généralement, c'est une dizaine. Ouais. Pendant notre discussion, son téléphone sonne, une nouvelle demande. J'ai un message me disant que j'ai une demande de réservation, que je vais derrière. Il est très rare quand même que j'ai un aller-retour complet. Là, vous pensez qu'il va l'être ? Déjà dimanche, j'ai deux personnes sur trois, parce que je prends que trois personnes maximum. Donc, il ne me reste plus qu'une personne à prendre, le cas échéant, dimanche. Dans le centre-ville de Cherbourg, Caroline se préparait à se rendre à Paris ce week-end en train. Avec la grève, je prends ma voiture, que je n'ai pas l'habitude de prendre d'habitude, mais là, pas trop le choix. Vous êtes sûr que les trains sont tous annulés ? Non, je ne suis pas sûre, mais par principe de précaution, je n'ai pas envie de me retrouver bloquée à Cherbourg. Donc, voiture. Elle décide de s'inscrire pour la première fois sur une plateforme de covoiturage. Apparemment, il faut publier un trajet. On mettra un peu plus de temps, mais en covoiturage, c'est chouette, on pourra parler. Quelques minutes plus tard, déjà une réponse pour son voyage vers Paris. Le reportage d'Antoine Liffaut de France Bleu Cotentin. Les tracteurs sont ressortis dans la rue aujourd'hui. Manifestation des agriculteurs à Poitiers, Limoges et même devant le château de Chambord. Objectif, maintenir la pression sur le gouvernement à 10 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Lyon et Grenoble, ces cinq villes assignent l'État en justice. Elles ont déposé aujourd'hui des recours concernant l'hébergement des sans-abri. Elles estiment l'État défaillant, notamment dans le système d'hébergement d'urgence. Le Paris Saint-Germain, bientôt sans Kiki, Kylian Mbappé. Ah ouais, la star du football va quitter le club, c'est officiel, à la fin de la saison. Annonce faite aujourd'hui, Guillaume Batin. Kylian Mbappé a annoncé la nouvelle en tête-à-tête à son président, le Qatarien Nasser El Khelaïfi. Son dernier jour, ce sera le 18 mai à Metz pour la 38e journée de championnat, ou le 1er juin si le club va jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Arrivé en 2017 en provenance de Monaco, il partira libre en 2024. Autrement dit, le PSG ne touchera pas un euro, pas un centime pour son transfert vers son futur club que l'on ne connaît pas. Mais tout le monde pense, évidemment, parce que c'est la rumeur depuis des années au Real Madrid en Espagne, avec qui il nourrit des contacts depuis son enfance, mais d'autres clubs sont intéressés par le capitaine des Bleus. On pense notamment aux Anglais de Liverpool. Kylian Mbappé aura passé 7 saisons avec le PSG et ils auront gagné ensemble de nombreux titres, 5 et sans doute 6 titres d'ici la fin de la saison de champion de France, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, 3 Trophées des Champions et atteint la finale de la Ligue des Champions 2020. 290 matchs pour 243 buts. Guillaume Batin et du football sur les terrains de la Ligue Europa, 16e de finale aller. L'Olympique de Marseille joue en ce moment depuis un quart d'heure contre le Shakhtar Donetsk. Pour l'instant, c'est toujours match nul, 0-0. Trois autres rencontres sont à suivre ce soir. Rennes affronte l'AC Milan, Lens reçoit Fribourg et Toulouse se déplace au Benfica Lisbonne. Coup d'envoi à 21h. Au Mondiaux de biathlon, le sacre des Français, Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet viennent de décrocher la médaille d'or en relais mixte simple. C'est le 4e titre tricolore depuis le début de ces Mondiaux. Et c'est le printemps, en plein mois de février. Et il a fait encore doux, trop doux pour la saison aujourd'hui, à tel point qu'on a battu des records de température à Lille sur la pointe de l'Agde ou encore à Larens dans le Béarn. C'est là qu'il a fait le plus chaud en France avec 26 degrés. Pas normal quand même pour ces Béarnais. Il fait trop lourd, beaucoup trop chaud. C'est pas normal. Hein. J'ai dû perdre quelques kilos là. Normalement, le mois de février est un mois froid. Et là, on a déjà le printemps, un mois d'avance. Hein. Du coup, on se pose la question, va-t-on à la neige ce week-end? Ou est-ce qu'on va faire un tour à la mer à Biarritz? On en est là, quoi. Donc c'est grave quand même, hein, par rapport à la saison. Ça nous arrive d'en discuter entre amis et de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce qu'on est parti en montagne, il n'y a pas de neige, c'est affolant. Là, on ne peut pas faire de week-end au ski, quoi. C'est... On fait du ping-pong comme il fait chaud. Petite promenade à vélo aussi. J'avoue que là, moi, j'ai une shirt à manches longues, mais j'ai chaud. Il y a des habitants de Pau au micro de France Bleu Béarn. FranceBleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu. France Bleu et sur francebleu.fr. À la météo demain, encore de la douceur et un pays balayé par la pluie d'ouest en est. Des averses possibles toute la journée sur les Pyrénées, le Massif central et la Bourgogne. En revanche, c'est par la Bretagne que reviendra le soleil. Il s'imposera dans le Val-de-Loire, l'Aquitaine et la Normandie dans l'après-midi. Partout ailleurs, les nuages domineront. Côté température, elles sont moins élevées qu'aujourd'hui, mais toujours au-dessus des normales de saison, de 6 à 12 degrés pour les minimales demain matin. Demain après-midi, il fera 10 degrés à Guéret, 13 degrés à Tours, Chambéry et Metz, 15 degrés à Nantes et Mont-de-Marsan et jusqu'à 16 degrés à Marseille. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu. Toute l'actu musicale est sur France Bleu. Dans Décibel. Émilie Mazoyer. Salut tout le monde, comment ça va? On est jeudi soir, j'espère que vous passez une bonne semaine. Puis si elle est pourrie, bah écoutez, elle est bientôt finie. Vous avez fait le plus dur. Jusqu'à 20h, on va s'occuper avec toute l'équipe de Décibel, de vos petites oreilles. On va s'en occuper avec amour, vraiment. On va vous passer des chansons que vous connaissez déjà, peut-être certaines que vous allez découvrir, hein, puisqu'il y a toujours une petite nouveauté par-ci par-là dans Décibel. Ce soir, on va écouter la nouvelle chanson de Beyoncé. Et vous allez être étonnés, elle est carrément country. Non mais on dirait Johnny Cash, c'est génial. On verra ça tout à l'heure. Enfin bon, elle a gardé sa voix, elle s'est pas mise au whisky, hein, vous en faites pas. C'est toujours la voix de Beyoncé, mais voilà, l'ambiance est très cow-boy. Ce soir également, au programme, un petit blind test sur le thème des États américains. Alors, si ça vous chauffe, si ça vous inspire de venir jouer avec nous, le numéro du standard où Laura vous accueille ce soir, le numéro c'est 0810 055 056. 0810 055 056. Il y aura aussi ce soir un auditeur programmateur, fan de chanteuses américaines à grande voix et à stylisme parfois douteux. On en parlera tout à l'heure avec lui. Il s'appelle Gwen. Et puis, mon invité de ce soir, alors lui, on ne le présente plus. Hein. Présente plus Axel Bauer ni son premier tube sorti il y a 40 ans. C'est l'anniversaire en ce début d'année, les 40 ans de Cargo. Alors pourquoi, comment à l'époque et puis depuis surtout, comment ça va? On avait adoré Radio Londres, le dernier album d'Axel Bauer, et il me semble, en scrutant un peu ses réseaux sociaux, qu'il nous prépare de nouvelles choses pour cette année. Axel Bauer est l'invité de Décibel. Puis là, comme tous les soirs, on va commencer avec la chanson prénom. J'ai failli oublier le mot chanson, ce qui est con quand on anime une émission qui s'appelle Décibel, hein. Je vous cache pas, faut pas que je fasse de blocage sur ce mot-là. Donc la chanson prénom du soir s'appelle Santa Clara, le prénom, c'est donc Clara, un prénom que nous on adore, fans de musique, on pense à Clara Luciani par exemple, mais il y en a d'autres, puisqu'en France, nous avons 96 885 Clara sur le territoire. Alors elles sont quasiment toutes nées entre 1997 et 2010, hein. Il y a eu une mode des Clara à ce moment-là, le top c'était en 2006 avec plus de 6000 Clara nées cette année-là. Dernièrement, écoutez, ça baisse gentiment. On en est à 754 par an. Alors, Clara a sa chanson chantée par Clara Luciani et Benjamin Biolay. Ça s'appelle Santa Clara et c'était sur l'album Sinclair, donc de Benjamin. Très joli duo. Le seul duo de l'album, d'ailleurs, lui qui est très habitué à inviter des artistes sur ses disques. Là, il n'a invité que Clara Luciani, Santa Clara, c'est la chanson prénom du soir. Je m'assois près de toi, mais tu me manques. Tu m'embrasses parfois, mais sans la langue. Sur le bout de mes doigts, je sais tes manques. Tes lèvres ont quelquefois un goût de menthe, un goût de cendre, un goût de sang. Je le sens, tu vas descendre. Je te prends dans mes sonde. De moins en moins je crois que la terre soit ronde. Je combats dans le noir l'armée des ombres. Je fais n'importe quoi, je tourne en rond. Je le sens, je le sais. Oui, tu t'en allais. Couvre-toi bien ce soir. Si tu sors après moi, si tu pars, je préfère en sourire, mais je peux crever. Je reste là pour faire Belle chanson prénom, cité, signée Benjamin Biolay. Pardon, on va citer, oui, Clara Luciani, qui chante une chanson qui porte son prénom. C'est quand même beau. La tournée de Benjamin Biolay, elle continue. Il est samedi à Reims à la Cartonnerie et dimanche à Saint-Quentin. Décibel, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu. Et avant d'accueillir Gwen, notre auditeur programmateur, le petit duel du soir entre deux chanteuses qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. J'aime bien faire un bisou à Élodie Frégé pour ses 42 ans. Sur la bouche, c'est louche, puisque ma peau a l'odeur de ton odeur. Au dehors, il fait chaud. Et une bise aussi jusqu'en Belgique pour Axel Red, 56 ans aujourd'hui. Laisse-moi. On les aime toutes les deux, mais j'ai le temps d'en passer qu'une à la fin de l'émission. Alors c'est à vous de choisir avec quel jeune anniversaire girl nous terminons l'émission ce soir. Pour voter, rendez-vous sur l'ancien Twitter, désormais X, sur mon compte @EmilieRadioFR, sur le compte de la radio @FranceBleu. Le sondage est en ligne, il n'y a plus qu'à cliquer sur Élodie Frégé ou Axel Red. On écoutera la plus demandée à la fin de l'émission. Et il est très demandé chaque soir, l'auditeur programmateur. Je sais que c'est un de vos moments préférés. Je sais parce que je vois la courbe des audiences et je vois qu'au moment de l'auditeur programmateur, vous voici, vous voilà, vous avez envie de savoir qui me remplace pendant les 5 prochaines minutes. Eh bien, il s'appelle Gwen. Salut Gwen. Salut Émilie. Comment tu vas? Écoute, en forme. Ça va bien, alors tant mieux. Gwen, qui a plein de passions dans la vie, mais notamment la musique et la radio, et qui a sa propre émission de radio, d'ailleurs, sur la radio Localitis, c'est ça, à Toulouse. Exactement ça. Voilà, et ton émission s'appelle Le Coin du Manche-Disque, et contrairement à ce que son nom laisse penser, on n'écoute pas vraiment des vieilleries, mais plutôt des nouveautés dans ton Coin du Manche-Disque, c'est ça, hein? C'est ça, j'ai plus accent maintenant sur les nouveautés, mais parfois je partage aussi quelques petits souvenirs musicaux. Ah, ça et là, ça va être avec toi. Bah ouais, ça tombe bien, parce que là, ce soir, c'est un vrai souvenir qui date de l'année 2010, le film Burlesque et sa bande originale, assurée par Christina Aguilera. Alors raconte, qu'est-ce qui te plaît dans cette période, cette chanson, ce film? Je disais tout à l'heure, hein, c'est compliqué au niveau du stylisme, hein, quand même, on a beaucoup, beaucoup de couleurs. Hein. C'est coloré, mais après c'est dynamique. Puis c'est surtout que moi, ma sœur a été danseuse, et que Paris des Latins, puis après elle est venue à Toulouse. Ah. Elle a bossé au cabaret de mes amis, et on s'est fait la séance ciné avec les danseurs, les danseuses et les transformistes. Donc je t'explique pas qu'après, bah, la séance de ciné s'est transformée un peu en show. En show burlesque. Ah, exactement. C'est génial comme souvenir. C'est ça. Et l'année d'après, forcément, bah, ils ont fait un numéro sur la scène du cabaret en reprenant burlesque. Et ma nièce qui avait 3-4 ans à l'époque et qui a été élevée dans le milieu du spectacle, quand on partait en train voir mon père en Bretagne, tu sais, dans les compartiments, t'as les rideaux. Ouais. Et bien elle me faisait I am a good girl avec sa couche. Voilà. Avec la jambe qui passait sur le côté du rideau. Oh, j'adore. Ça, exactement. Donc si tu veux, ce film, il est rempli de souvenirs magnifiques. Avec toute cette troupe d'artistes avec qui j'ai passé beaucoup de temps, voilà. Formidable. Alors on va se replonger dans ces souvenirs-là. Et si vous n'avez pas vu Burlesque, parce que en 2010 vous aviez autre chose à faire, ça arrive à plein de gens bien. N'hésitez pas à le voir. Encore une fois, on peut mettre des lunettes de soleil à certains moments parce que vraiment au niveau des couleurs, ça pète. Mais c'est, ouais, c'est mais super. La bande son est vachement bien quand même. Évidemment, Show Me How You Burlesque, c'est le nom de la chanson. C'est Christina Aguilera, c'est ton choix. Merci Gwen. Mais avec grand plaisir. Merci à toi de me laisser une petite place dans ton émission. Vous êtes toujours les bienvenus, les auditeurs programmateurs. Il suffit de nous envoyer un email avec le nom de la chanson que vous avez envie de partager avec nous. Notre adresse, c'est décibel avec un S at radiofrance.com. C'est bon, Gwen, t'es prêt? Ouais, c'est bon. Le rideau, la jambe? Allez, on y va. Burlesque. Underneath the city lights, there is a wolf you know about. Rules don't apply, no. And you can't keep a good girl down. She comes through the club looking for a good time. Gonna make that shake, that money on a dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. On the table, she'll be dancing, yeah, all night. Sex, spice, strut, shimmy, shimmy, strut, strut. Give a little what up on the table. We'll be dancing all night. Everybody just come to life under the spotlight. All the boys wanna fall behind. We say, hey, here come the ladies, about to give a little show. Here come the boys, he gonna show a little more. Hey girls, let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, Show me how you burlesque, c'est Christina Aguilera. Et c'était le choix de Gwen, notre auditeur programmateur ce soir. Faites comme lui, rejoignez-nous, franchement on s'amuse bien. Décibel, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu. Attention, concentration, fermez les yeux, sauf si vous êtes en bagnole, vous avez une dérogation. On est en 1984, alors le marché mondial du disque est dominé par... En France, c'est les débuts du top 50, c'est compliqué. Besoin de rien, envie de toi. Tube. Alors c'est 1984, les premiers succès de Mylène Farmer, Patrick Bruel, Marc Lavoine, Étienne Dao ou encore Jeanne Masse, mais c'est le tout début pour eux. En vrai, ce qui cartonne... Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Et là, alors que personne ne l'attendait, débarque une bombe. La voici. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Axel Bauer, salut, bienvenue. Salut. On fête ensemble les 40 ans de cette dinguerie, Cargo. On l'entend, c'était pas dans l'esthétique du tube de l'époque. Non, pas c'est vraiment. Vrai, ouais. C'est vrai, il y a la guitare, le synthé, et les paroles et l'esthétique. Et voilà, c'était complètement nouveau, complètement fou. 40 ans après, elle a pas vieilli parce qu'elle n'était pas à la mode quand elle est sortie. Ah, c'était une bonne analyse en fait. C'est vrai qu'elle ne respecte pas les codes de l'époque, les sons de caisse claire dans la réverb très claquant comme ça. C'est peut-être d'ailleurs dû au fait que c'est Manu Katché qui joue de la batterie. Il n'a pas ce son de caisse claire années 80 et ça a donné peut-être cette couleur. Et puis bon, peut-être les sons de synthé qu'on a utilisés, je ne sais pas, l'esthétique globale de la chanson. Ah ouais, c'est ça. Alors ça a été un énorme tube, le début de votre rencontre avec le public français. Est-ce que un tube aussi gros et en plus voilà aussi. En même temps, je suis français aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Un tube aussi gros et aussi marqué en plus, aussi fort esthétiquement. Est-ce que là, puisqu'en fait c'est 40 ans, est-ce qu'il y a des moments où vous avez dû un peu lui faire la tête, un peu le mettre en sourdine pour arriver vous à avancer artistiquement? Comme tout succès quand on arrive, mais celui-là effectivement est particulièrement je dirais complet parce que c'est un tout en fait. Il y a eu le clip qui est arrivé après, le titre a commencé à marcher, puis on a pu faire un clip parce qu'il y avait pas de d'émission pour faire les clips, donc ça a scellé une sorte d'univers entre le look que j'avais à l'époque, le look du marin on va dire que j'interprétais dans la chanson, le clip avec tous les beaux muscles et tout ça, signé Mondino. Donc ça a fait un tout. Et quand on construit quelque chose comme ça, c'est très difficile de refaire quelque chose d'aussi parfait finalement après. Et il a fallu un peu de temps avant que les gens peut-être s'habituent à moi sur d'autres chansons qui étaient peut-être moins bien aussi. Et puis finalement d'avoir un autre succès avec Éteins la lumière 10 ans après quand même. Ouais. Et alors si vous pouviez là aujourd'hui avec tout ce que vous savez de ce qui s'est passé après, si vous pouviez retourner justement, disons tiens sur le plateau du tournage du clip, murmurer un truc à l'oreille du jeune Axel en marin, vous lui diriez quoi? Je dirais détends-toi. C'est vrai. J'étais. Vous aviez j'étais la trouille vénère. Un peu. Non, j'étais vénère tout le temps quoi. J'étais... Ah c'est vrai. Non, en fait j'étais très dans mon personnage de. J'étais rentré dans un film en fait, dans le film de ce personnage qui débarque sur le quai et la sueur brûle comme l'acide. Il va chez Mario pour oublier. Il a la machine dans la tête. Donc il est torturé. Il est torturé. Donc j'étais dans ce drame là et en plus je pense que ça s'accentuait par une espèce de sentiment de rejet, une colère que j'avais en moi parce que quand on était sorti du studio, la maison de disque avait dit on le sort pas, ça marchera pas, donc je voulais prouver que ça allait marcher aussi et bon j'ai eu raison, ils étaient contents après, mais c'est vrai que sur le moment j'étais toujours très comme ça, très tendu. Je me méfiais beaucoup des gens tout le temps. Ils se sont excusés, la maison de disque, ou est-ce qu'au moins ils ont admis qu'ils avaient eu tort? T'as déjà vu une maison de disque qui s'excuse, toi? Je me demande, parce que quand même, vous les avez fait bouffer pendant 2 ans avec la chanson, et encore 2 ans au bas mot. Non, non, ils se sont pas excusés. Ils faisaient même pire, en fait. Ils faisaient tourner les usines la nuit. Et donc, comme ça, ils ont doublé les ventes sans les déclarer. Donc. Scandale. Mais c'était, il y avait plein de trucs comme ça à l'époque. Ah, les années 80, c'était. Ouais, les artistes, c'était quand même bien, enfin peu considérés, ils le sont toujours pas d'ailleurs je pense, mais ils étaient très, très peu considérés dans les revenus, oui. On considérait que c'est le producteur qui faisait le travail. C'est ça, bah oui, et le saltimbanque il sait pas compter. Voilà, oui, c'est la ça. Cigale et la fourmi. Exactement. Allez, pour fêter cet anniversaire, on va la réécouter cette chanson, cette dinguerie, je le disais, de 1984, Axel Bauer, c'est Cargo, puis ensuite on parlera de la suite et de vos bonnes nouvelles, parce qu'on avait adoré Radio Londres il y a 2 ans, et j'ai l'impression que vous êtes de retour aux affaires. Axel Bauer est l'invité de Décibel, et on grimpe tous dans le cargo. On vient de débarquer. Cargo de suite. a 40 ans, toutes ses dents, pas une seule ride. Et Axel Bauer est mon invité ce soir dans Décibel pour ce bel anniversaire. Et puis pour parler de plein d'autres trucs, alors restez bien sur France Bleu, Décibel continue. Décibel, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu. Salut France Bleu, c'est Patrick Fiori. Ce samedi à 15h, je prends le micro de France Bleu et vous emmène dans mon univers musical, dans ma playlist. La playlist de Patrick Fiori. Des titres qui m'ont touché, qui m'ont fait vibrer et même ceux qui m'ont inspiré. Le sang est libre. C'est un bout de ma vie dans ma playlist. Et franchement, on se régale. La playlist de Patrick Fiori. Rendez-vous ce samedi à 15h uniquement sur France Bleu. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Toute l'actu musicale est sur France Bleu, dans Décibel. Émilie Mazoyer. 19h32, vous écoutez France Bleu. Bravo, vous avez bon goût et vous allez être récompensé puisque mon invité de ce soir, vous le connaissez et vous l'aimez déjà. Il s'appelle Axel Bauer. Axel Bauer, je le disais tout à l'heure, hein, on se retrouve aujourd'hui, entre autres, pour fêter l'anniversaire de cette chanson sortie le 28 janvier 1984, ce tube Cargo. Est-ce que vous avez fait un truc le 28 janvier, le jour pile, pour fêter ça? Non, pas exactement. Non, je crois pas. Mais en fait, Cargo, il est sorti. Je crois que la première fois qu'on l'a sorti, c'était en novembre 83. Mais parce qu'on l'a fait écouter à Radio 7, qui était une radio libre à l'époque, et les radios allaient se libérer. Je sais plus. Bon. Et la première télé que j'ai fait, je crois que ça devait être en avril 84. Et Cargo s'est mis à marcher de mai à juillet, enfin toute l'année. Oui. Mais donc, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'est pas classé vraiment bien dans le top 50, parce que le top 50 est arrivé en novembre, donc on était plutôt sur la fin. Mais non, je n'ai pas vraiment célébré, j'essaie de ne pas trop y penser, ça fait 40 ans quand même. Oui, c'est vrai, ça peut mettre un petit coup de pelle, on se dit, non, allez, on n'y pense pas. On peut penser, en revanche, parce que ça fait 2 ans, et on l'a beaucoup écouté sur France Bleu, Ici Londres, tiré de Radio Londres, c'est votre dernier album en date. Et on adore The Cargo, bien sûr, mais voilà, on l'a dit tout à l'heure, des tubes, il y en a eu plein d'autres. Et puis ce duo qu'on adore massacrer au karaoké. Pas facile à chanter. Ah, c'est pas fastoche. Mais alors, aucune des parties. Parce que une fois que j'ai fait la paix avec le fait que j'arriverai jamais à faire la partie de Zazie, j'ai essayé la vôtre, mais elle est très difficile aussi. Ouais, c'était impossible à chanter. C'est très très grave au début. Il faut monter très haut. Je peux pas. Je vais m'étouffer, je vous jure. Pas mal. Je tente, je vous jure. Et quel rapport vous avez avec vos tubes? Là, on en a passé. Voilà, Ici Londres éteint la lumière, À ma place. Il y a Cargo dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est des chansons chouchou ou est-ce que vous préférez plutôt les petites abandonnées dont on vous parle jamais? En fait, le rapport que j'entretiens avec ces morceaux-là, c'est que c'est surtout quand je les joue sur scène, je les partage avec le public et c'est toujours des instants super, formidables, quand magiques. On commence à crier dès l'intro. On sent qu'on est avec le public et le public est conquis, il a envie de participer et moi je les vois et je joue avec ça. Donc c'est des instants j'ai pas toujours le plaisir de la spontanéité de jouer ces morceaux là que je joue forcément depuis des années, donc ça c'est normal, mais les voir s'éclater avec ces morceaux, c'est à mon plaisir. Ah, c'est beau. Alors justement, pour voir les gens chanter vos chansons, toutes vos chansons, il y a la tournée. Alors le tout dernier concert de la tournée Radio Londres, vous l'avez fait il n'y a pas si longtemps, au mois de décembre, à La Réunion. Oui. Voilà. Et est-ce que déjà, là, ça vous manque? L'Olympia, juste avant. Ouais. C'était pardon. Oui, oui, non, non, mais c'était, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas fini il y a très longtemps, finalement. Oui, oui, voilà, tout à fait. Très récent. Est-ce que ça vous démange déjà de passer à la suite? Est-ce que vous pensez déjà à de nouvelles chansons, puis à une nouvelle tournée? Vous en êtes où, là? Alors, j'en suis au fait que j'ai démarré de la composition, de l'écriture des nouvelles chansons, et bien sûr, j'ai hâte pour... aussi parce que cette tournée a été vraiment fantastique et les musiciens avec qui j'étais, ils étaient absolument géniaux, on s'aimait vraiment et on a travaillé comme des oufs ensemble. Et donc j'ai vraiment Raoul dit... Chichin notamment, Raoul, le fils de Fred à la guitare. Raoul, Philal Mosnino, Xavier Zoli à la basse, Vincent ouais. Chevalier à la batterie, Erika Simeone au clavier et au chant. Donc on a formé une équipe, un gang vraiment super. Et rien que pour ça, j'ai envie de remonter sur scène et pas perdre ce contact. Mais heureusement, je dois composer des nouvelles chansons. Et comme j'avais commencé, aussi, on travaille avec François Poggio, qui a réalisé l'album Radio Londres. Donc, on était un petit peu sur une continuité comme ça. Alors, j'essaie d'avancer au plus vite, mais en même temps, on ne peut pas avancer plus vite que les chansons. Non, exactement plus vite que la musique, l'expression consacrée. Alors, je vous pose la question aussi, parce que j'ai un peu stalké votre Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas, les amis, à vous abonner, parce que pour le coup, il y a du contenu. Voilà, on voit que vous prenez plaisir à partager, que vous avez apprivoisé l'outil sans problème. Donc, c'est Axel Bauer. _off et donc entre une vidéo on vous voit chez le disquaire qui fait les vinyles de Stevie Wonder et une avec votre synthé fétiche depuis 40 ans, il y a donc cette vidéo où vous dites je suis pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment parce que je compose. Vous avez besoin de vous isoler un peu de tout ça pour composer tranquille? Ouais, mais j'ai surtout besoin de garder le contact en fait aussi. parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est pas que c'est important, c'est que on a développé une je ne sais pas si j'aime le mot, mais une sorte de communauté, en tout cas une interactivité, que ce soit à travers des stories ou des publications, que ce soit sur Facebook, même TikTok ou Instagram. Donc il y a une vraie relation. J'échange avec les commentaires, et aussi on raconte des choses de cette tournée. On a été très très actifs sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Donc on a aussi une belle équipe qui a filmé des choses. Et à chaque fois qu'on fait qu'il y a un événement où on partage. Alors bien sûr, j'aime bien cette vitesse-là, mais en même temps, le travail d'écriture et de composition m'impose d'aller plus en dedans et donc d'être plus méditant et donc moins à me filmer, quoi. Je me lève le matin, je bois mon café, je prends mon papier, crayon ou ordi ou synthé ou guitare, etc. Et puis je fais mon métier, quoi, mon métier bizarre. C'est vrai que c'est bizarre, c'est un métier où on dit qu'on va jouer, donc forcément déjà à la base, c'est spécial. Et c'est intéressant ce que vous dites sur les réseaux sociaux, parce que je repense du coup à ces 40 ans de Cargo, et au moment, donc début des années 80, milieu des années 80, c'est la pleine bourre des fan clubs, où là en fait il y a une espèce de communication, mais qui est un peu faussée, qui n'est pas très facile, c'est-à-dire que vous pouvez vous adresser à vos fans, mais eux finalement, ils sont très peu nombreux à vous croiser en vrai, à pouvoir vous atteindre et vous parler. Là aujourd'hui, c'est presque plus démocratique en fait ce système-là. Vous dites que vous échangez avec eux sur les réseaux. C'est chouette ça pour vous? Oui, c'est très chouette. C'est vrai que je renie pas l'avant avec effectivement les fan clubs, parce qu'il y avait un élément qui n'y a plus aujourd'hui, c'est les lettres. Ah. Et les lettres, c'était magique. Souvent, la plupart du temps, déjà, elles étaient écrites à la main. Donc j'ai reçu des lettres sublimes que j'ai gardées, et alors que aujourd'hui on est plus dans une culture de l'instant, et donc il y a des très beaux commentaires, parfois on a envie de les garder, mais ça passe parce que le fil se renouvelle, et donc c'est pas pareil. Mais effectivement, vous avez raison, cette proximité qu'on a aujourd'hui, elle peut parfois aussi être dangereuse, parce que aussi on est en tant que personne publique, on est exposé parfois à de la violence verbale. Bon, moi j'ai pas trop de haters pour l'instant, mais j'en ai quand même parfois. Ouais. Oui, et puis les gens se permettent des choses qui se permettraient pas en face à face. Oui, voilà, il y a une Internet. Proximité qui est parfois un peu bizarre, et puis voilà, mais c'est quand même très positif, oui. Mais oui, Axel Bauer en un seul mot, underscore off. Allez sur l'Insta d'Axel Bauer. Franchement, vous ne serez pas déçus. Puis si vous attendez avec impatience le nouvel album, bah voilà, c'est sans doute là que vous aurez des nouvelles en premier. Bon, vous me promettez de revenir alors, hein ? Avec plaisir, Émilie. On aura du nouveau. Génial. À bientôt. Merci, à Axel. À bientôt. Décibel, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu. Et après ce bon moment, je vous propose de poursuivre, puisque c'est l'anniversaire de la mort de Nat King Cole. Alors ça, c'est plutôt une nouvelle triste, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va l'écouter. L-O-V-E, pour tous ceux qui ont foiré leur Saint-Valentin hier, bisous. L is for the way you look at me. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Nat King Cole, oh là là, et il nous avait quitté donc le 15 février 1965, il est mort jeune, hein, Nat King Cole, j'écorche son nom alors qu'on est en train de le célébrer. Il avait 45 ans, voilà, et c'était évidemment un artiste absolument indispensable musicalement déjà et aussi politiquement parce que c'est un des premiers artistes noirs qui est passé à la télévision américaine qui n'invitait que des blancs. Et voilà, Nat King Cole fait partie de ces pionniers qui ont fait avancer également les droits des Noirs aux États-Unis. On l'écoutait donc pour le plaisir et aussi pour la cause et aussi pour le souvenir. Il nous avait quitté le 15 février 65. Décibel, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu. Carole et Françoise sont avec nous pour jouer au blind test. Bonsoir à vous deux, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Comment allez-vous ? Comment ça va, Carole ? Très bien, je vous remercie bien. Très bien. Bon, et comment s'est passée la Saint-Valentin hier ? Ben, c'était l'anniversaire de mon frère. Ah ! Alors, est-ce que quand on est né un 14 février, on est un peu plus vénard en amour dans sa vie ? Ben, lui, apparemment, pas. Ah mince, bon. Zut, zut, zut. Bon, alors, je retire ma question, je la remets sous mon chapeau. Et merci d'être avec nous, chère Carole. Françoise, comment ça va ce soir ? Bah, très, très bien. Fidèle au poste, parce que je joue avec Paris Express, avec Laurent Petit-Guillaume le matin. Ouais. Et avec... Et puis, normalement, je suis imbattable côté musique, mais il y en a qui sont peut-être plus forts. Hein. Ah, on va voir, Françoise. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que dans Décibel, si on joue au blind test, alors quoi qu'il arrive, on repart avec le cadeau. Et ce soir, bah, Axel Bauer, décidément très cool, nous a laissé deux exemplaires de son dernier album Radio Londres. Donc voilà. Radio Londres, ah, c'est super. Ah, super. Voilà. Vous l'avez entendu, il était trop chouette, hein. Oui, oui, j'ai entendu tout à l'heure, j'ai suivi. J'adore Axel Bauer. Eh ben, moi aussi. Et il se fait moins montrer à la télé. Oui, un petit peu moins ces derniers temps. Un petit peu moins, j'ai trouvé. Bah parce qu'il était en tournée, et puis là, bah voilà, il nous l'a dit. Voilà. Il prépare la suite, donc il reviendra nous parler dans Décibels de son nouvel album. De son nouvel album, voilà. Pour le moment, chère Carole, chère Françoise, maintenant que vous savez ce que vous avez gagné, je vous annonce le thème du blind test de ce soir. Ce sont des chansons qui parlent d'État américain. C'est-à-dire que dans le titre de la chanson, il peut y avoir le nom d'un État américain, voilà. C'est bien, j'ai dit deux fois la même chose, mais enfin, tout le monde a bien compris. On a compris. Pardon. Oui, oui, oui. Pardon. C'est, on dirait les profs qui font des dictées et qui répètent les phrases comme ça. Le petit chat. Le petit. Et puis, qui veulent vous aider aussi. Le petit chat. Bon. On est prêt pour notre blind test. Les États américains à l'honneur et une première chanson. C'est parti. Dites-moi, qui chante ça ? Julien Clerc. Bravo à toutes les deux, c'est bien Julien Clerc. Elles sont très fortes, Carole et Françoise. Elles ont toutes les deux retrouvé rapidement le nom de Julien Clerc, qui chante la Californie. Ok, là je vous tends un petit piège, mais ça me faisait trop plaisir de passer cette chanson. Oui. Si vous regardiez la télévision dans les années 80, alors sa voix vous dira quelque chose. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est pas Lio. Alors, c'est une animatrice télé française qui s'était spécialisée dans les émissions pour enfants, mais qui adorait la musique, qui sortait des disques et qui remplissait des Bercy. Non, ça n'a rien à voir. Comment, Françoise ? Non, j'allais dire une bêtise, Mais c'est pas une bêtise, je crois. Ah bon ? On le redit ? On le redit. Bravo ! Dans le club Dorothée que je regardais évidemment religieusement, je pense que pendant mon enfance j'ai plus vu Dorothée que ma grand-mère par exemple. Et ben Dorothée, elle était allée à Nashville et elle avait rencontré des musiciens, elle avait fait un album super rock, super country et surtout elle avait fait venir Chuck Berry au club Dorothée. Moi j'avais 6 ans devant ma télé, j'étais là en train de regarder Chuck Berry grâce à Dorothée. Donc voilà, c'était bien elle, bravo. À nouveau, Carole et Françoise ont trouvé en même temps la bonne réponse. Dorothée qui chantait donc Nashville, Tennessee. Alors après la Californie de Julien Clerc et le Tennessee de Dorothée, un dernier état américain pour terminer ce blind test. Mais vous êtes brillantes toutes les deux, Carole et Françoise, ouais, bravo. Pour l'instant, on est très bien. Il s'agit d'une chanteuse également, surtout comédienne, qu'on a découverte dans les années 80. Je suis dans un état. Ah, c'est colorable, nous. On connaît qu'elle est Birkin. C'est pas Jane Birkin. C'est une... Attends. Adjani, Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, bravo. Oui, dans Jane Birkin, c'est vrai que... Je une pensée pour Jane Birkin, On a tenté la note haute parce que pourquoi pas. Carole, merci pour ce joli fair play. J'ai entendu Carole dire bravo à Françoise, mais moi je dis aussi bravo à Carole. Hein, elle n'avait pas trouvé, Carole. Merci. Non, j'avais pas trouvé, non. C'est vrai, Carole, je vous embrasse. Ah bah moi aussi, je vous embrasse toutes les deux. Si, si, je remets aussi un album. Ah, vous en avez une, vous avez un exemplaire chacune. Il a été cool, Axel Bauer. D'accord, ok, ok. Ah, sympa. Ouais, toutes les deux, vous avez gagné. Je vous remercie beaucoup d'avoir joué avec nous. Je vous embrasse. Et comme je ne suis pas dans un état proche de l'Ohio, mais plus au sud, au niveau du Texas, je vous propose, comme promis, de découvrir Carole, Françoise, et puis toutes celles et tous ceux qui écoutent Décibel ce soir, la nouvelle chanson de Beyoncé. Ouais, je sais, c'est dingue. On est chez les Cowboys. Esthétique nouvelle pour Beyoncé, la star du R&B se met à la country. Ça vient de sortir, j'adore cette chanson, je la trouve géniale. Texas Hold'em. With you, come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement, that shit ain't pretty. Rugged whiskey, we surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Cette nouvelle chanson de Beyoncé, Texas Hold'em, c'est le premier extrait de son album qui va arriver tout bientôt, Renaissance Acte 2. Hein, le Renaissance Acte 1, c'était plutôt basé sur les musiques dansantes des années Sida, début des années 80, un truc très, très club, un peu désespéré. Et là, donc, bah, clairement, on est sur de la country music et ça lui va vachement bien. Beyoncé qui a déclaré qu'elle était ravie de rappeler que la country music également enfants avait des racines dans les musiques noires et elle se l'approprie sans problème en ajoutant un petit stylisme un peu compliqué. Je dis beaucoup de mal des fringues ce soir, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à aller voir le clip, hein, vous m'en direz des nouvelles. Décibel, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu. Est-ce que j'y peux, moi, les Santiago, ça ne va pas à tout le monde. Bon, il est temps de vous révéler les résultats du duel de ce soir. C'était un duel d'anniversaire entre deux chanteuses qui soufflaient aujourd'hui des bougies. Il y avait Axelle Red et Élodie Frégé, qu'on adore toutes les deux. Et c'est Élodie Frégé qui remporte le duel avec 57% de vos votes. Bisous, Élodie Frégé, 42 ans aujourd'hui. Et ce tube, la ceinture. Monte sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue a le goût de ta vertu, de ton honneur perdu. Non, pas sur les lèvres, même si j'en rêve, même si je tremble. Et bien que mon cœur soit nu, mon âme est revêtue de pudeur et d'impudence. Sans te faire offense, mieux ne vaut pas tenter sa chance. Au-dessus de la ceinture. Non, pas sur la bouche, même sous la douche, même si c'est dur, je te mordrai, c'est promis. Tous les coups sont permis. Non, pas sur les lèvres, même pas en rêve, à 100 pour sûr, où tu mangeras ton pain gris. Mon cœur est endurci. Ne tire pas sur l'ambulance, car de la potence, plus rien n'a plus d'importance. Rien ne dure au-dessus de la ceinture. Je sais, je touche le fond du lac. Le temps des cerises est mort. Le diable est dans le corps. Non, pas sur les lèvres. Non, c'est pas mièvre, c'est pas le trac. Mais je préfère m'étonner cru, sans revers ni refus. Rendons-nous à l'évidence. Tout est cuit d'avance. Il ne faut pas tenter sa chance. Rien ne dure au-dessus de la ceinture. Non, pas sur la bouche, je sais c'est louche, puisque ma peau a l'odeur de ton odeur. Au dehors, il fait chaud. Non, pas sur les lèvres, jamais de trêve et pas d'assaut. Le sol et le ventre, entre l'oubli et l'oubli, bel oiseau du paradis, joue plutôt, je s'interdis. Rien ne dure au-dessus de la ceinture. Joyeux anniversaire à la délicieuse Élodie Frégé. On écoutait La Ceinture et j'en profite pour vous dire qu'elle sera en concert à l'Avant-Scène à Reims le 23 février prochain. Et Décibel, c'est terminé pour ce soir. Merci à toute l'équipe. Il y avait Léa Racine, Florent Morel, Romain Frézu, Laura Carvalho et Franck Moilier. Demain, mes invités, ah, c'est un groupe que j'adore. Il s'appelle Mauvais Oeil. C'est un duo. D'aller voir, ça chante en français, en arabe, avec des inspirations orientales, mais aussi du rock, des synthés. C'est super bien, Mauvais Oeil. Ils sont pas encore très connus, donc je suis contente de vous les faire découvrir demain. Et puis, en ce qui concerne la nouvelle scène musicale d'Éric Bastien, qui arrive dans moins d'une minute, son invité s'appelle Jérôme Attal. Alors, vous connaissez peut-être pas son nom, mais ses chansons, c'est sûr, puisqu'il a écrit pour Florent Pagny, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Jennifer ou encore Michel Delpech. Jérôme Attal qui avait sorti un album solo il y a 20 ans et qui l'a... a décidé, 20 ans après, d'en sortir un nouveau. Vous allez tout savoir avec Éric Bastien dans la nouvelle scène. Salut! Partez à la découverte de l'Irlande avec France Bleu. À l'occasion de la grande tournée anniversaire Irish Celtic, France Bleu vous offre une expérience inoubliable dans l'une des capitales les plus dynamiques d'Europe. Envolez-vous pour Dublin, entre mer et montagne, et profitez de son ambiance inimitable. Tout au long de la semaine, tentez de remporter votre week-end à deux dans la célèbre capitale irlandaise. Toutes les infos sur France Bleu. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu. Excellente soirée, merci d'écouter France Bleu. Il est 20h. France Bleu, la nouvelle scène musicale. Éric Bastien. Bonsoir à tous et bienvenue sur France Bleu. Notre invité ce soir est particulier, ce qui fait que cette émission sera aussi différente. Il n'est pas seulement auteur, compositeur, interprète, comme on reçoit chaque soir ces artistes que vous connaissez. Non, lui, il est aussi écrivain, scénariste, parolier. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, de romans, de récits pour adultes, mais aussi pour la jeunesse. Ses romans, Les Jonquilles de Green Park ou encore 37 étoiles filantes, ont obtenu de très nombreux prix. Mais il n'oublie jamais de se consacrer à la musique. Il a un catalogue de plus de 400 titres interprétés par les plus grands, allant de Johnny Hallyday à Florent Pagny. Ce soir, et après 18 ans d'absence, en mode solo, il revient avec un album. Il est sorti hier, il s'appelle Les Attaches Fines. Je reçois Jérôme Attal. Tout le monde lui indique le chemin. Je me sens tout pâle, je suis tout blême, comme un beluga dans la Seine. Je vois pas l'intérêt du voyage si t'es pas là dans les parages. Je tourne en rond dans ton départ. Le ciel est vide comme un placard. J'aurais tellement aimé, tu vois, qu'il puisse sauver le beluga. Bonsoir Jérôme Attal. Bonsoir. Bienvenue sur France Bleu. Waouh, quelle actualité, je viens de l'évoquer. Copieuse pour vous avec la sortie de ce nouvel album. Je voudrais rappeler que le 3 janvier, vous avez publié votre dernier roman, Neuf rencontres et un amour, aux éditions Fayard. C'est toujours bien de faire un petit placement produit. Pourtant, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Et puis, votre petit éloge des chats est aussi en librairie depuis octobre dernier. Miaou. Vous dormez quand ? Non, mais... comme les chats, le jour. Exactement. Non, mais j'ai plusieurs vies comme les chats. J'ai neuf activités comme ils ont neuf vies. Vous avez toujours été boulimique comme ça, de faire plein de choses? Ouais, c'est vraiment, c'est de la création. Moi, je suis un créatif, donc tout d'un coup, j'ai une idée, et quand il y a un territoire, qu'il soit musical ou littéraire derrière, j'y vais. Évidemment. Alors, je voulais juste regarder un peu dans le rétro un instant et rappeler que vous avez ce catalogue de plus de 400 titres que les plus grands depuis 20 ans vous ont chanté. Je parlais de Johnny Hallyday, de Florent Pagny, de Jennifer. Avant de découvrir ce nouvel album, est-ce qu'il y avait de la musique très jeune chez vous dans votre vie, Jérôme Attal? Vous avez grandi, vous avez baigné dans la musique? Oui, alors mon papa adorait tout ce qui était crooner, Frank Sinatra, et puis aussi pas mal de variétés françaises comme Joe Dassin ou Gilbert Bécaud. Mais moi, ma grande découverte, j'ai découvert les Beatles à 12 ans à 10 ans, et ça a bouleversé ma vie, parce que ce qui est beau dans les Beatles, c'est que très facile, avec 4 accords, on peut reproduire ça sur sa guitare ou sur son piano, et c'est très beau. Vous jouez de la guitare? Oui, mais très mal. Alors je préfère me faire accompagner. Là, j'ai travaillé sur mon disque avec les Noirs Roi, qui sont deux jeunes gens qui sont un duo, qui sont exceptionnels, puis ils ont composé à la fois, ils ont produit. Mais parfois je fais quelques mélodies, voilà, mais ça s'arrête là. On va bien sûr parler de cet album. Je voudrais juste rappeler, pour vous faire rougir un petit peu, alors j'en ai sorti quelques-uns sur les 400, sur une musique de Yodelis. On vous doit ce titre. La mairie de William se sent des bars au crépuscule, des villes fantômes sous la lune. Ce sont des fleurs qui ont poussé sous la bannière étoilée. C'est vertigineux. C'est sur le dernier album du Taulier, c'est vous qui avez écrit. Oui. Wow. Bah oui, j'en avais déjà fait deux pour lui précédemment, mais là c'était dingue de se retrouver sur ce dernier album, parce que jusqu'au dernier moment on savait pas ce qu'il avait eu la force de chanter. Et puis là il y a aussi beaucoup d'émotions, parce qu'on sent que dans toute sa maladie c'était sa récréation de venir chanter les chansons. Vos textes ont été chantés par Michel Delpech, Eddie Mitchell, Jane Birkin, Jennifer, et puis la nouvelle génération aussi. Mais vous, après les Kids United, il y a 18 ans, vous commencez avec ça. Je ferme le rideau pour la tranquillité. Le voisin est gonflant, il m'espionne, c'est un fou. Fixe bien le miroir, mon ange, ma beauté. Entre te déshabillant, je te raconterai. Comme elle se donne. Ça, c'était il y a 18 ans. C'était assez sulfureux, le clip aussi. Hein. Ouais, ouais, c'était un clip réalisé par Frédéric Taddeï. Ouais. Le clip était assez chaud. Ça, c'était les tout débuts pour vous. Grand prix SACEM de la chanson française de la catégorie créateur. Et puis voilà, depuis 20 ans, vous avez fait énormément de choses. On va parler de nos rois, de ce duo électropop à qui vous avez confié justement la réalisation de cet album. On va l'écouter. On va écouter d'abord un extrait, Jérôme Attal. Ça s'appelle Beluga. C'est un sens particulier. Je vous laisse découvrir le texte. On en parle juste après, vous êtes avec nous sur France Bleu. Tu m'as laissé sur le boulevard, la bulle crevée d'un malabar. Je me fais du film et tu t'en vas sans un baiser de cinéma. Sans un baiser de cinéma. Autour de moi ça va pas fort, la fin du monde fait plus d'effort. Pour dire qu'elle arrive après-demain, tout le monde lui indique le chemin. Tout le monde lui indique le chemin. Je me sens tout pâle, je suis tout blême, comme un beluga dans la Seine. Je vois pas l'intérêt du voyage si t'es pas là dans les parages. Je tourne en rond dans ton départ. Le ciel est vide comme un placard. J'aurais tellement aimé, tu vois, qu'il puisse sauver le beluga. Dans ma mémoire, j'ai laissé fondre ton visage. Bravant les rues et les rivages, pour la bêtise de te revoir, pour la folie de te revoir. Autour de moi ça va pas fort, la fin du monde est mon décor. Et je crains que toutes nos excuses ne passent pas la prochaine écluse. Ne passe pas la prochaine éclipse. Je me sens tout pâle, je suis tout blême, comme un beluga dans la Seine. Je vois pas l'intérêt du voyage si t'es pas là dans les parages. Je tourne en rond dans ton départ. Le ciel est vide comme un placard. J'aurais tellement aimé, tu vois, qu'il puisse sauver le beluga. Je me sens tout pâle, je suis tout blême, comme un beluga dans la Seine. Je vois pas l'intérêt du voyage si t'es pas là dans les parages. Je tourne en rond dans ton départ. Le ciel est vide comme un placard. J'aurais tellement aimé, tu vois, qu'il puisse sauver le beluga. Sauver le beluga. Sauver le beluga. Je vois pas l'intérêt du voyage si t'es pas là dans les parages. Beluga, c'est l'auteur, compositeur, interprète Jérôme Attal que je reçois ce soir pour ce nouvel album sorti hier. Les Attaches Fines est avec vous sur France Bleu. La nouvelle scène musicale de France Bleu, Éric Bastien. Et ce premier single, Beluga, on va s'en dire un mot tout de suite, Jérôme. Beluga, c'est le cétacé, c'est aussi pour moi, alors ça c'est pour le passionné de l'aviation, ouais. C'est aussi le surnom qu'on donne à la 300-600ST, qui est le super transporteur qui a la forme du cétacé en fait. Exactement, mon papa était pilote de ligne, donc je sais ça. Nous fait un point ouais. Ouais, trop bien. Et oui, en fait, c'était cette histoire du beluga qui a échoué dans la Seine ouais. il y a deux ans, au mois d'août, je crois. Août 2022. Ouais, et on était, moi je sais, j'étais arrivé à mon poste de télé en espérant qu'il soit sauvé. Et puis ils l'ont amené jusqu'à Ouistreham, je crois. Et malheureusement, il est mort juste à la fin. Ça m'a tellement touché que j'ai tout de suite essayé de lier ça dans une chanson avec la fin d'une histoire ouais. d'amour et de faire quelque chose. C'est ça, parce que qu'est-ce que ça a dit pour vous sur notre société? vous avez toujours des textes avec un regard particulier sur, sur ce qu'on vit. Et effectivement, vous faites un parallèle avec une histoire d'amour sur quand tout est foutu, quelle est la dernière note d'espoir, quoi, c'est ça ? Oui, et c'est pour ça que j'ai appelé l'album aussi Les Attaches Fines, parce que les attaches fines, c'est les attaches fines évidemment de la silhouette, mais c'est les attaches fines qu'il y a entre nous dans les histoires d'amour et les attaches fines que nous avons, nous, humains, avec la nature. Enfin voilà. J'aime beaucoup. Moi, mon territoire, c'est vraiment le territoire amoureux et tout ce que je ressens en dehors de ce territoire, j'essaie toujours de trouver des correspondances avec le territoire amoureux. On se dit un mot, vous l'avez toujours tout à l'heure évoqué sur Nos Rois, donc ce duo. Quelle couleur musicale vous avez voulu faire ? Ça fait 18 ans que vous n'avez pas fait un album pour vous. Vous êtes dans l'ego trip et vous avez bien fait et ça fait du bien. Vous êtes parti dans quoi avec eux ? Alors, ils m'avaient appelé pour coécrire avec eux en français parce qu'ils chantent principalement en anglais, puis ils avaient envie sur un précédent EP d'écrire en français, donc j'avais un peu travaillé avec eux. Et ça m'a semblé naturel parce que je pense qu'ils ont su s'adapter à ce que j'avais envie, tout en gardant cette esthétique un peu anglo-saxonne, en amenant beaucoup de guitare à leur électropop habituel, et voilà. Parce que la Beluga, par exemple, le sujet, il fait pas franchement rire, et en même temps, on est sur des rythmes entêtants, ils sont partis sur ça. Oui, moi j'aime bien ce qui est à la fois mélancolique et en même temps puissant. Ouais. On va rentrer dans l'album, voici Ciné Doré. Juste l'occasion, Jérôme Attal, de rappeler que côté scénario et dialogue, on vous doit La Fille aux Allumettes, Hôtel du Paradis, Alice Islon ou encore Elisabeth s'en va en guerre en 2017. Ça, ce sont des courts-métrages. Oui, mais et alors ? Très bien, c'est le reste du cinéma. Ciné Doré, c'est marrant parce que finalement vous rendez hommage au cinéma et surtout plutôt à ceux qui choisissent la fiction comme espèce d'échappatoire, c'est ça ? Alors vous avez tout compris, oui, c'est plutôt un hommage à Merci, au revoir. Bravo. Non, mais j'admire votre sensibilité. Non, c'est plutôt un hommage à la fiction, c'est l'histoire d'une fille qui vit des choses tellement atroces et. Dans sa vie et qu'elle trouve, elle rentrer dans une salle de cinéma lui permet de s'évader 2 heures, 1 heure et demie. Et voilà, c'est un ode à la fiction parce qu'on se raconte toutes et tous des fictions qui nous embellissent la vie, heureusement. Ouais. Heureusement. Voici aussi dans votre album La Solitude Suprême. On veut rentrer la nuit comme des centaines de gens dans le métro qui va comme la mer infinie où les amours façonnent. Les souvenirs d'une vie qui s'efface, car personne ne gagne contre la nuit. Là, vous témoignez d'une espèce de nature poétique qu'on trouve aussi dans vos romans, d'ailleurs. Là, c'est un événement très précis. C'est en tant que jeune homme, et puis bien après, c'est quand je rentrais d'une soirée où une personne m'avait plu. Et c'est quand on se retrouve tout seul et qu'on est encore hanté par le souvenir de l'autre et d'être dans Paris ou dans une grande ville et de voir tous ces gens qui rentrent chacun chez eux après avoir été troublés et fascinés par d'autres personnes. Voilà, c'est cette chanson raconte ce moment-là. Ce qui vous trouble aussi, c'est les chiffres. Le chiffre te sert. Si le chiffre est à toi, tu fais ce que tu veux. Le chiffre est avec toi, tu fais ce que tu veux. Le chiffre est au plus bas, tu disparais bientôt. Le chiffre c'est la loi, le chiffre aura ta peau. Et vous qui êtes auteur de romans, c'est vrai que quelques lettres au milieu des chiffres, ça fait pas de mal, parce que des chiffres, en fait, c'est ça la chanson, il y en a partout, des chiffres, trop même. Ouais, non, on a voulu faire une chanson un peu dansante sur un truc un peu triste, qui est cette dictature du chiffre. Et aujourd'hui, plus vous avez de followers, plus on vous accorde de crédit, plus tout le monde est tenté de mettre ses chiffres en avant. Ah, vous voyez, sur les couvertures de livres lus par 500 000 lecteurs. Nombre de vues, nombre de clics. Voilà. Ce que disait Oscar Wilde, hein, connaître le prix de tout. Et la valeur de rien. Eh bien, c'est la définition du cynisme par Oscar Wilde. Eh bien, on ne peut pas ajouter quoi que ce soit à ça avec une citation d'Oscar Wilde. On va se retrouver dans un instant avec vous, Jérôme Attal, pour en savoir plus sur Les Attaches Fines. C'est le nom de ce nouvel album qui est sorti aujourd'hui. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h30 sur France Bleu. I heard the sound of an angel. excellente soirée sur France Bleu avec la musique et les disques et les mélodies qui vous accompagnent chaque soir. David Lantin lui aussi vous accompagne. 20h30, la scène culture c'est à suivre et puis la libre antenne de Johan Rock c'est à 21h. France Bleu, la nouvelle scène musicale. Éric Bastien. La nouvelle scène musicale, ok, mais enfin bon, on va rappeler qu'il est auteur, qu'il est romancier, de talent reconnu, distingué, récompensé. Dernier roman, 9 rencontres et un amour, sorti en janvier 2024, c'est Jérôme Attal, qui est notre invité qui s'arrête pas là, avec un album qui est sorti hier. Je cherchais en vain ce qui m'avait plu, combattant le vent à main nue. Je cherchais en vain ce qui m'avait plu, combattant le vent à main nue. J'ai poursuivi ton odeur, et les lueurs des paves de ton cœur, combattant le vent à main nue. Vous avez le sentiment de faire le grand écart comme ça quand vous passez d'un album à la littérature, au roman, où tout ça c'est finalement lié. On parlait de l'artistique, voilà, c'est un ensemble. J'aime votre question parce qu'on sait que vous penchez plutôt vers la deuxième solution qui est la bonne et qui est celle-là. Bah oui. Non, en fait, même quand j'écris des romans jeunesse, ce qui m'arrive aussi souvent, j'essaie que tout soit lié, qu'il y ait vraiment 3-4 thèmes qui puissent transvaser d'un support à l'autre, que ce soit très cohérent pour que les gens qui vont s'attacher aux chansons puissent aller vers les romans et que les gens qui aiment mes livres aient envie de découvrir les chansons. Puisqu'on parle de la jeunesse, qu'on pense aussi au dessin, voilà, il y a des images qui arrivent. Et je voudrais qu'on se dise un mot sur la pochette parce que là vous avez réussi à convaincre un garçon pour dessiner votre pochette de disque qui s'appelle Fred Bernard. Fred Bernard, c'est oui, ça. Oui, Fred Bernard, c'est un grand auteur et un grand illustrateur plutôt jeunesse, même s'il a fait des livres adultes. Et j'avais déjà écrit avec lui, enfin j'avais écrit des romans jeunesse, la série des notamment chez Robert Laffont qu'il a illustré, donc je le connais plutôt bien et j'adore son travail. Et là il vous met dans un de vos lieux préférés, c'est Londres. Oui, moi je suis très anglophile et surtout j'avais pas envie qu'il y ait ma tête sur la pochette en photo comme ça, j'ai l'impression que c'est voilà, j'avais très envie que ce soit un très bel objet ouais. Parce qu'on a fait des vinyles notamment et d'avoir un dessin de Fred Bernard c'est un truc incroyable. C'est allez super. Le découvrir, on continue cette visite de l'album. J'avancerai avec toi. À distance et pourtant, si près que tous les autres, n'y verront que du feu, j'avancerai avec toi. Ils n'y verront que du feu. Et plus on avance dans le disque, plus on se dit que vous n'êtes pas tout seul. Déjà parlé du duo Noroin, j'entends une jeune femme. Oui, c'est Gaëtan Abrial qui vient faire une voix géniale, même plusieurs voix sur cette chanson. Et c'est une chanson qui est un peu qu'est-elle apocalyptique. Alors c'est une chanteuse, elle faisait partie du duo Bon Air. Bon Air, ouais. Et que vous avez dû recevoir sans doute. Et voilà, et c'est mon label qui me l'a présenté, Roy Music. Et je l'ai trouvé exceptionnel. Et puis surtout, le grain de sa voix allait parfaitement à cette chanson. Question de solidarité et d'amour dans un monde où la nature est un peu espèce de point de rupture, quoi. Oui, c'est moins qu'on puisse c'est dire. Moins qu'on puisse dire. Allez, tunnel avec des rêves, entre autres. Ça donne ça. Je rêve d'un tunnel dans tes rêves qui nous réunira la nuit au-delà de désirs fabriqués. Je rêve d'un tunnel dans tes rêves pour te rejoindre et te tenir au creux de mes bras loin du tout. Ce qui te blesse. Le titre exact, c'est Tunnel dans tes rêves, ouais. Avec une autre jeune fille qui s'appelle Juliette. Oui, Juliette Bossé, elle est bruxelloise et elle a un duo qui s'appelle Rive, qui est un groupe un peu électro qui marche bien là-bas. Et c'est elle qui déjà faisait des voix sur Ciné Doré. Et j'avais envie, dans ce disque, de pas seulement demander à des amis de venir faire des voix, mais aussi de leur proposer des véritables duos. C'est aussi des gens que vous avez rencontrés aux rencontres d'Astafa, hein, où vous participez. Exactement. Alors Melba, notamment, qui fait. Vous voulez qu'on écoute. Elle est dans l'azur. Allez, c'est parti. Allons-y. Nous ne vivons que pour des moments hors du temps, des baisers interdits, échangés l'un et l'autre. Des baisers qui débordent comme le lait sur le feu et qui deviennent le feu quand on nous rend coupables. Nous ne vivons que pour des moments hors du temps et qui deviennent le feu quand on nous rend coupables. Des baisers inédits, échangés l'un et l'autre. Des baisers qui débordent comme le lait sur le feu. Nous ne vivons que pour l'azur en pleine nuit. L'azur en pleine nuit. L'azur en pleine nuit. Donne-moi l'azur en pleine nuit. Et ça s'appelle L'Azur en pleine nuit. Alors, on l'a pas entendu, mais elle est vraiment dans la chanson. Hein, ouais. Vous irez écouter. C'est pour pas spoiler. Ouais. C'est pour que susciter la curiosité. Bien joué. Elle s'appelle Melba. Hein. Elle s'appelle Melba. Elle a un projet qui va sortir bientôt. Et Melba et Juliette Bossé, je les ai rencontrés effectivement aux rencontres d'Astafor, où j'ai la chance depuis 5-6 ans, même un peu plus, ouais, d'intervenir en tant que coach texte. Voilà, c'est une expérience géniale pour toutes les autrices, compositrices et auteurs-compositeurs. C'est vraiment une expérience incroyable. Les Attache-fines, c'est sorti hier. C'est Jérôme Attal qui est votre invité depuis 20h. C'est un bel album, hein, qui est bien produit, qui sonne vraiment bien. Combattant le vent à main nue. On a écouté un court extrait tout à l'heure. On va maintenant l'écouter, cette chanson, pour en dire un mot juste après. Ouais. Plaisir. Il est content. En plus, il dit ouais, on y va ? Avec plaisir. Allez. Les pluies pour te revoir qui n'arrive pas, des ongles bleus inattendus, et toi qui danses tout contre moi, tout ce qui m'éloigne de toi, la mauvaise humeur des jours, d'un côté comme de l'autre, comme de l'autre. Je cherchais en vain ce qu'il m'avait plu, combattant le vent à main nue. Je cherchais en vain ce qui m'avait plu, combattant le vent à main nue. J'ai poursuivi ton odeur, mais les lueurs d'épave de ton cœur, combattant le vent à main nue. Vous venez de lire à la fin, combattant ouais, le vent à main nue, Jérôme Attal sur France Bleu. France Bleu, la nouvelle scène musicale. Éric Bastien. Vous voulez nous dire un mot, Jérôme, d'ailleurs, sur cette chanson, on n'en a pas parlé. Ouais, c'est une chanson d'amour, et voilà, c'est combattre le vent à main nue pour poursuivre le parfum d'une personne qui nous a plu. L'amour, hein, très présent dans cet album, des portraits de femmes aussi, on l'a évoqué. Ouais, moi quand j'écris des chansons pour d'autres personnes et que j'ai rendez-vous parfois avec des managers et des chanteuses, on me dit mais surtout plus de chansons d'amour, il y en a trop. Mmh. Je dis oui, et puis au final que des chansons d'amour. Est-ce qu'il y aura des projets de scène, parce que j'imagine que vous avez envie de défendre quand on sort un album, c'est pas pour le garder pour soi comme ça dans oui, un coin. J'ai très envie, mais de le faire dans de bonnes conditions, et aujourd'hui il faut que le disque ait un peu d'impact pour que des tourneurs ou des tourneuses aient envie de travailler avec moi. Quand je dis l'impact, faut qui passe à la radio, qu'on voit à la télé, quoi. Ouais, exactement. Et c'est de plus en plus, c'est la bataille. Hein. J'arrive après la 18 ans de littérature, je reviens dans ce milieu de la musique et je m'aperçois. Justement, vous êtes une curiosité. Oui, c'est ça. Bah, on va me montrer en bête de soir peut-être, mais en tout cas, ouais, non. Jusque-là, mais bon. Je plains. Et puis non, mais je travaille quand même avec beaucoup de jeunes artistes et je sais que c'est très très compliqué aujourd'hui d'avoir un peu. C'est pour ça votre émission, elle est géniale, mais d'avoir un peu d'espace médiatique quand des jeunes artistes font un EP et que derrière il se passe pas grand-chose. Et c'est très compliqué aujourd'hui. Hein. Vous les citez donc deux artistes à qui vous bossez en ce moment alors, de cette nouvelle génération. Alors j'ai plein de projets en cours, mais j'ai pas mal travaillé avec une jeune artiste qui s'appelle Nae, qui a été signée sur le label Elektra et avec qui on a fait des super chansons. Et puis voilà, j'ai toujours beaucoup de projets et puis je fais beaucoup d'ateliers d'écriture aussi dans lesquels je rencontre des jeunes artistes. On en reste à votre album parce qu'on est tellement content. Effectivement, vous l'avez rappelé, le précédent c'était il y a 18 ans et c'est voilà depuis hier qu'on peut découvrir les Attaches Fines avec Ta Bouche aussi. Dis-moi pourquoi. Reste gravé en moi, dis-moi, dis-moi pourquoi ta bouche parle à d'autres que moi, dis-moi, qu'est-ce qu'elle peut bien leur dire que je ne sais déjà, qu'est-ce qu'elle peut bien leur dire, dis-le-moi, dis-le-moi pourquoi ta bouche reste gravé en moi. C'est voilà, un peu up-tempo, on en a déjà écouté hein, sur des rythmes un peu plus voilà, dense comme ça, lié aussi à ce duo électro avec qui vous avez travaillé. Le Train Interdit, franchement, c'est un album uniforme, cohérent, avec des choses différentes selon les tracks. Oui, et puis ils ont voulu travailler sur mes textes, donc le processus de création a pris un peu de temps parce qu'ils n'étaient pas inspirés par tous mes textes, et moi, quand on me renvoyait des musiques, je me voyais pas peut-être chanter tout, donc il a fallu qu'on soit eux très contents et moi très content, et il a fallu s'accorder. Ouais. Je vais rappeler donc la sortie de cet album, Les Attaches Fines, il est sorti hier, et puis je vais rappeler que votre roman Neuf Rencontres et un Amour est sorti le 3 janvier aux éditions Fayard. Exactement. En 10 secondes. Oui, c'est l'histoire d'amour dingue entre. En fait, c'est l'idée que quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on n'a plus que 8 possibilités pour qu'il se passe quelque chose de dingue. 8 possibilités. Oui, avant que, comme les 9 vies du chat, avant que ça te sombre dans une espèce d'amitié, voilà, et que l'un ou l'autre des amoureux démissionne. C'est terrible, là, voilà. Exactement. Donc il y a vraiment 9 rencontres qui peuvent être le hasard, c'est un battement de porte ou alors des rencontres programmées, et c'est surtout l'histoire d'amour entre Anaïs Nin, une grande amoureuse, et le poète maudit Antonin Artaud. Et puis vous avez parlé des chats, je rappelle, le petit éloge des chats aux éditions Les Pérégrines est disponible depuis octobre. Merci Jérôme Attal. C'était un plaisir, Eric. Partagez, franchement, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Attendez pas 18 ans, s'il vous plaît. je vais essayer. Ça dépend du public. Merci Jérôme Attal, l'invité de la nouvelle scène musicale à retrouver sur FranceBleu.fr. Je vous retrouve dès demain. Belle soirée. Ciao. Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu. Chaque jour avec Willy Rovelli et la tribu France Bleu. Bonjour, bonjour et bonjour. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Dans le prochain numéro, le vendredi, c'est Youpi la vie. C'est vous qui faites l'émission 0810 055 056. S'il vous est arrivé un moment Youpi, un sourire, une belle rencontre, une joie quelconque, je veux l'entendre. Allô, allô. Willy Rovelli et la tribu France Bleu. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Demain, dès 13h. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Ciné, théâtre, télé, humour, la scène culture est chaque soir sur France Bleu. David Lantin. Merci de nous retrouver comme tous les soirs hein, sur France Bleu, nouveau numéro de la scène culture jusqu'à 21h. Mes invités ce soir vous donnent rendez-vous en ce moment sur les planches du Théâtre des Béliers parisiens dans la pièce Je m'appelle Acherlève, adaptation française de la pièce à succès d'Aaron Posner, tirée du roman de Rain Potok, qui nous raconte l'histoire, le parcours, le destin d'un jeune prodige de la peinture qui, dans le Brooklyn d'après-guerre, va grandir dans une communauté juive ultra-orthodoxe et toute sa vie, il sera tiraillé entre ses traditions familiale et ce don unique pour l'art. Et pour nous en parler ce soir, je reçois celle qui signe l'adaptation et la mise en scène, ainsi que l'un des trois formidables comédiens de cette pièce, Anna Jazz Mertens et Guillaume Mouchette sont mes invités. Et bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Asher Lev. En voilà une histoire passionnante et poignante, portée pour la première fois sur scène en France, au succès du Festival d'Amiens 2022 et 2023. Avec sur scène Guillaume Bouchet, Stéphanie Cayol et Martin Carman en alternance avec Benoît Chauvin. Je l'ai dit, tiré du roman de Raïm Potok. Et tout a commencé là, Anna Jazz, quand vous êtes tombée sur ce livre. Je crois que c'est votre maman qui vous l'a mis entre les mains. Et vous avez dit avoir eu très vite une sorte de déclic, une obsession inexplicable pour le texte. Oui, tout à fait. En fait, c'est une histoire de famille, puisque c'est mon grand-père d'abord qui l'a lu, qui l'a recommandé à tout son entourage, y compris ma mère. Et puis quelques années plus tard, ma mère me l'a mis entre les mains en me disant « il faut que tu lises ce bouquin ». Et ça a commencé là. Et oui, une obsession un petit peu comme le personnage d'Acher avec son obsession à lui pour la peinture. Pour cette histoire et l'envie très vite de la monter sur scène. Alors c'est vrai que le texte est très très beau, très puissant même. Vous, Guillaume Bouchet, vous incarnez sur scène, entre autres, le père de Asher Lev, et vous incarnez aussi toute la tradition de la religion juive ultra-orthodoxe qui va se télescoper immédiatement avec ce don, avec cet appel que Asher a pour la création dès son plus jeune âge. Exactement. Le père est un ultra-orthodoxe religieux, croyant, pratiquant. La mère aussi, le fils aussi d'ailleurs. Hein. Ils sont élevés dans ce contexte-là. Sauf qu'il y a effectivement un endroit où le fils développe cet art et cette passion pour le dessin. Et il y a un endroit où ça ne rentre pas dans les dogmes et dans les préceptes de cette religion-là. Et effectivement, ça se confronte. Après, ce qu'il faut dire de ce père, c'est qu'il aime énormément son fils. C'est pas une figure rigide religieuse qui lui impose les choses. Il est lui aussi tiraillé entre son fils qui dont il voit bien qu'il a un don, dont il voit bien qu'il a une appétence pour l'art et en même temps cette croyance religieuse qui l'empêche de l'accepter. Ouais. Et puis on voit aussi que Asher a dû se battre toute sa vie aussi avec lui-même, parce que ça pose aussi une question fondamentale à Nadja, c'est comment sortir des traditions familiales pour partir, pour aller vivre sa propre vie, ses propres désirs. Oui, tout à fait. Et à la fois, ce que je trouve beau avec cette histoire, c'est que j'ai la sensation qu'il lutte pas contre ce qu'on lui a raconté depuis qu'il est petit. J'ai l'impression qu'il fait cohabiter les deux à l'intérieur de lui. Il va pas vraiment à l'encontre de ce qu'on lui a dit. Forcément, à des moments, il s'y frotte parce que, de par sa vocation, il est obligé de se frotter à certains endroits. Mais il fait cohabiter les deux à l'intérieur et le paradoxe de l'existence des deux en une seule et même personne. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette histoire. Je m'appelle Asher Lev. Prenez votre place. Vraiment, allez vous faire cueillir au théâtre par cette pièce, pas comme les autres. Et voici d'ailleurs la bande-annonce. Je m'appelle Asher Lev. Oui. Oui, oui, le Asher Lev, le fameux peintre des crucifixions de Brooklyn. Je suis un traître, un blasphémateur, et j'ai fait honte à ma famille, à mes amis. Pourquoi as-tu reproduit ces peintures ? J'ai besoin de les comprendre. Ce sont des représentations de Jésus, Asher. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qui a trait à Jésus. C'est le dieu des Goïs ? Ces dessins sont répugnants. Comment peux-tu dessiner ce genre de choses ? Tu as un don, Asher Lev. Non ! Tu es sur le point d'entrer dans un monde qui ne te convient pas. Sois un grand peintre, Asher Lev. C'est la seule justification possible pour la peine que tu es sur le point de causer. Je m'appelle Asher Lev. Quand je vous dis que le texte est fort, le texte est puissant. Au Théâtre des Béliers parisiens, c'est du mardi au samedi à 19h en matinée, le dimanche à 17h. Guillaume, une pièce dans laquelle vous incarnez plusieurs rôles, je l'ai dit, celui du père d'Asher, mais aussi, entre autres, celui de Jacob Kahl qui va devenir aussi le mentor, quelque part, d'Asher, c'est ça? Oui, c'est son prof de sculpture, de peinture, d'art, qui va l'emmener, lui expliquer comment on devient un artiste. Et ce qui est intéressant dans le parcours de ce personnage, c'est que lui-même était juif, pratiquant, et sans doute assez proche de la branche orthodoxe, et il s'est rendu compte assez vite que c'était pas compatible avec l'art, qu'il y avait un endroit où il fallait qu'il lâche quelque chose pour pouvoir vivre sa passion et pour pouvoir vivre son talent. Et effectivement, il va essayer d'emmener Asher sur ce chemin-là, et il va lui montrer la voie de la création. Et pour la petite histoire, Anna Jazz, il paraît que quand vous avez commencé à réfléchir à adapter cette pièce, ce roman sur scène. Vous n'aviez pas eu encore connaissance, c'est ça, de l'existence de la pièce de Aaron Spossner? Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai lu le roman, moi, j'ai eu des flashs très très vite de ce que ça pouvait donner. Ouais. Et j'ai commencé moi-même à bosser sur ce que je pensais pourrait être une bonne adaptation. Et en regardant, effectivement, en cherchant sur Internet, je suis tombée sur cette pièce et que j'ai lue et que j'ai trouvé absolument incroyable. Et notamment les multi-rôles des différents comédiens. Ouais. Guillaume, vous vous dites que dès la seconde où vous basculez d'un rôle à l'autre, tous les autres n'existent plus. Bah oui, on est dans l'instant en fait, hein, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça qui est sympa dans le fait d'avoir des multi-rôles, c'est qu'on change très vite d'univers, de personnages, de corporalité. C'est un exercice de comédien que je trouve passionnant. Ça se fait beaucoup aujourd'hui, des pièces à multi-rôles, c'est un peu en vogue. Il y a beaucoup de comédiens qui le font et en tout cas l'exercice est vraiment hyper hyper agréable. Mais c'était sans compter qu'il faut aussi changer rapidement les costumes et parfois c'est un peu rock'n'roll, hein, pour vous Guillaume. Je vois que vous êtes bien renseigné, on vous a raconté des choses. Exactement. Il est arrivé des petits accidents, il y avait un peu la moitié d'un costume et la moitié d'un autre. Mais bon. Trois fois rien. Ça va, ça fait rire en tout cas, Anna Jazz. Je l'ai dit, c'est une pièce, hein, qui a connu un succès à Avignon, elle arrive à Paris, elle a été jouée aussi à Tel Aviv, dans le cadre du Festival du Théâtre Français en Israël en octobre 2022. Quel accueil vous avez reçu, Anna Jazz? Un accueil incroyable en Israël. C'était terrifiant pour moi d'aller là-bas parce que je me suis dit forcément les gens qui sont là-bas ils sont touchés d'une manière particulière par cette histoire, donc soit ils vont rester très extérieurs, soit ils vont complètement rentrer dedans. C'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Et en fait l'accueil était incroyable. Il y a eu une écoute pendant tout le long de la pièce qui était folle et les retours étaient incroyables vraiment. On poursuit cette soirée ensemble et on continue de parler de cette très très belle pièce. Je m'appelle Asher Lev. On se retrouve juste après Barbara Pravi avec Bravo sur France Bleu. Si je me regarde dans le miroir, suis-je fière de ce que je vois? Je ne parle pas de mon visage, ni de mes traits, mais de ce qui brûle en moi, sous ma poitrine là. Oh oui, c'est imparfait, mais ai-je le droit d'être fière? On se le dit jamais assez, parce qu'on attend des autres qu'ils nous disent qui l'on est. Mais les autres changent de voix, comme ils changent d'apôtre, de discours et de loi. Pour devenir ce que tu veux. Oh, bravo, bravo de faire triomphé hein, sur la scène de l'Hyperfestival Radio France. Bravo, c'était Barbara Pravi sur France Bleu. La scène culture sur France Bleu, David Lantin. Et merci de votre fidélité chaque soir à la scène culture sur France Bleu. Et ce soir, on parle de théâtre avec mes deux invités, Anna Diaz Mertens et Guillaume Bouchède, à l'affiche de la pièce Je m'appelle Asher Lev. C'est au théâtre des Béliers parisiens. Notez bien, hein, du mardi au samedi à 19h, en matinée le dimanche à 17h. Adaptation française de la pièce à succès d'Aaron Posner. Énorme succès à Broadway, aux États-Unis.